directrice carrément, t'as ta boîte de construction. Oui, je travaille avec mon frère, oui. Ah, mais c'est génial, ça. En famille. Bon, écoute, sois la bienvenue ce matin, Sarah. C'est génial, parce que du coup, Sarah, elle doit engueuler des mecs toute la journée, quoi. Tout à fait. J'aime ça. Et oui, j'allais dire, tu prends beaucoup de plaisir. Tout à fait. On va jouer avec toi ce matin à Pyramids. Alors Pyramids, je rappelle les règles très rapidement. C'est comme Pyramids, je pense que vous avez déjà vu le jeu à la télé. Ouais. Je mets des briques là. Une brique, deux briques, trois briques. Félindra, tête de... Ah non, ça c'est le porte. Pyramids, c'est simple. Je dois te faire deviner des artistes énergie, ma chère Sarah, en te donnant des briques. Donc une brique, deux briques, trois briques. Des mots, quoi, tout simplement. Plus tu trouves rapidement, mieux c'est. J'en ai trois, tu nous en fais un 2 sur 3 et du cadeau pour toi. Ok. Ça va. On y va avec le premier artiste. Si je te dis Jury, Voice et Academy, à qui tu penses? Je vais même mettre, c'est un peu plus compliqué sinon, le dernier, je rajoute Star, Star Academy. Ah oui, je l'ai. À ton avis, Sarah? Jury, Voice, Star Academy. Jury, Voice, Star Academy. Ouais, elle a entendu. Bon, Sarah, une idée? Non, pas du tout. Ah, bon, bah voilà. Peut-être que les fifous l'ont trouvé, hein. Si vous l'avez ce matin, vous pouvez nous envoyer jeu plus la bonne réponse par SMS au 78. Vous avez trouvé cet artiste, Jury Voice Academy. Ouais, je vous aide vachement. Allez, jeu plus la bonne réponse, 6-0-1-8. Si vous l'avez, c'est 1 euro, le message envoyé est reçu. On continue, c'est pas grave, il en reste 2. Si je te dis dorure, câlin et lac, facile. Hein. Ah, tout est dans les mots. Ah, moi j'ai trouvé. Dorure. Julien Doré. Dorure. De quoi ça? Julien Doré. Eh ben c'est une bonne réponse, mais oui. Oh, j'adore le nouveau Julien Doré avec Louane, il est terrible. Ah, j'adore, c'est terrible. Eh bien, ça fait un point pour toi, Sarah, ce matin. Il y a encore un, et puis c'est gagné. Le petit dernier, il y a moyen aussi de le trouver. Oui, Sarah. Si je te dis bélier, cinéma et blonde. Je vais pas chanter, mais c'est Louane. Allez, une petite chanson. Allez. Allez, Sarah. Une chanson. Sinon, t'as pas ton cadeau. On fait du chantage. Sarah nous dit Loane. Eh ben oui, c'est une bonne réponse, c'était Loane. Eh ben, bonne réponse. Eh ben, du coup, cette histoire, Sarah, c'est gagné. Ce matin, Sarah, on te laisse choisir la compil énergie, la toute dernière. On a des places de cinéma ou alors on a notre enceinte Bluetooth waterproof pour mettre sous la douche et nous écouter. Qu'est-ce que tu choisis? L'enceinte pour ma fille Circé. Pour Circé, eh ben on envoie ça. On a dédicacera pour Circé. Voilà. On te fait des gros bisous, Sarah. Passe une très belle journée. Merci, bisous. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. Croquer mes cliquer mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Sur mon front, gouttes de pluie, gouttes de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi.

pour le savoureux concours des maîtres boulangers-pâtissiers, n'en ratez pas une miette. Gagnez un an de pain croustillant. Info sur le sac à pain de chaque boulangerie participante ou sur maîtreboulangerpâtissier.be. Il est 6h sur Énergie, bonjour. Bonjour Tiffany. Énergie. Moi. Ah, pas oublier le coq, hein. C'est vendredi, le 19 octobre, on termine la semaine. Voilà. C'est le week-end qui démarre. Bonjour ! Bonjour ! Ah oui, ça y est, le week-end qui démarre sur Énergie. On est là, c'est le 6-9, il est 6h. Bonjour à tous. Bonjour Aurélie de la rédac. Bonjour. Oh, les petits yeux ! Oh, j'ai des yeux complètement bouffis, oui. On dirait que t'as de la conjonctivite ou je sais pas, tu vois, que t'as une allergie. J'ai jamais pleuré autant pour un film hier soir. Oh là, c'était quoi? T'as regardé Omar Sy, toi. Demain tout commence. J'ai pleuré du début à la fin et encore un petit peu après. Ah ben moi, tu donnes envie de le voir. Ben moi, j'ai dormi du début jusqu'à la fin. Ah, c'est émouvant, c'était mignon. Oh là là là là là là. Non, arrête demain, de pleurer. Demain tout commence, c'est ça le titre? Tu l'as pas vu? Non. Demain tout commence, oui. Shame on you, il est tout bon. Shame on you. J'ai même pas pris le paquet de mouchoirs, j'ai pris le rouleau de papier essuie-tout carrément, quoi. Aurélie, un petit point sur la météo pour aujourd'hui. Oh, bah, il va pleurer. Arrête. Je suis très sensible aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on aura de la grisaille hein, ce matin, mais le temps sera ensoleillé aujourd'hui. Côté température entre 15 et 18 degrés. Profitez-en, ça va pas durer. Eh oui, il faut profiter. Comme hier, tu nous as dit du soleil, je l'ai pas vu arriver. T'as pas vu le soleil, mais moi j'ai vu que ça. Non. Il y en a dans le studio ce matin du soleil. Comment ça va tout le monde? Votre petite météo rapide. Bonjour Tiffany. Bonjour. Si tu devais mettre une météo, un pictogramme. Sur comment je me sens aujourd'hui? Ouais. Un soleil? Un soleil, ouais. Un soleil un peu nuageux parce qu'elle sait pas où elle est, mais. Non, mais je suis là physiquement, mais. Bah alors, psychologiquement, il n'y a pas du pont encore là. Il y a Frisco qui est là aussi ce matin. Bonjour tout le monde. Bah écoute, ensoleillé à mort, hein, tout va bien. C'est gentil, les gars, c'est le week-end. Comment voulez-vous que ce soit pas ensoleillé? Comment ça va, mon Jérém? Bonjour, moi j'ai des oiseaux qui volent dans tous les sens. C'est le printemps. Non, malheureusement, non, mais oui. Et alors, pour revenir sur l'histoire, j'ai aussi regardé le film, mais j'ai pas su arriver au moment où ça devenait triste. Ah, t'as dormi? Donc voilà, ouais, je me suis endormi, mais je suis content que ça soit le week-end. Tu m'étonnes. Et toi, Marco? Oh, papillon dans le ventre, moi je suis. Ah, t'es amoureux? Ouais. Non, parce que j'ai bouffé un chinois hier. Et t'as bouffé des papillons. Je peux te dire qu'il est encore là, tu vois, il a pas bougé depuis hier soir, quoi. Du coup, pas de petit-déj pour moi. Il est encore vivant, quoi. Ouais, j'ai encore ce qu'il faut, vous inquiétez pas. 6h03, soyez les bienvenus sur Énergie. Voici Jane, Aya Nakamura à suivre. Et dans un instant, le résultat de notre Battleville d'hier. Je vous rappelle, on a mis en compétition toutes les villes de Belgique. On va savoir qui est en tête et on va savoir surtout où on va aller vous faire un coucou. I know you think that I am over you, but I have just better things to do. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be up. 6h05 sur Énergie. Aya Nakamura à suivre avec ses copines. On va jouer au Ping Pong Star ce matin dans quelques minutes. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur ce grand moment que nous avons lancé hier. Il s'agit de ce Battle Ville. Nous avons lancé ça hier pendant l'émission, un Battle Ville. Il fallait aller voter sur notre groupe Facebook, tout simplement. Le groupe Facebook, les Fifous du 6-9 sur Énergie. Fallait voter pour votre ville préférée. Et ce matin, 6h05, nous allons faire un point sur les résultats. Faisons un point. Je laisse encore, je dirais, une minutasse. Parce qu'on est où là? On a un problème. On a un problème. Ah! De grande envergure. C'est-à-dire? Nous avons deux villes. De à côté, à ma gauche, Liège. Ville, cité ardente. À ma droite, Charleroi, pays noir. Très belle ville d'ailleurs. Pays des zèbres. Allez, les zèbres. Et égalité ou quoi? Ouais. Ils étaient tous les deux à 137. Ils sont toujours à 137. Ils stallonnent. Donc, et en troisième place, il y a Namur qui est à 63. Donc il faut absolument aller voter. 30 secondes maintenant, je rigole pas, 30 secondes, ce sont les derniers votes. Dans 30 secondes, on dit stop. La ville qui est en tête sera la ville dans laquelle on ira passer une après-midi avec vous, les copains. Votez maintenant les fifous du 6-9 sur le Facebook. Encore 15 secondes. Oh, je stresse. Quelle est la ville en tête? Là, ça n'a pas bougé. Ah bah c'est sûr. Je te jure, c'est 139, 139, mec. Moi, je dis, on laisse jusqu'à 7h. Il faut. Mais non, mais. Mec, à un moment, on laisse encore une heure. On laisse encore. On est à combien? On y arrive ou quoi? Attends, parce qu'il y a quelqu'un. Voilà. Sans déconner, je vous jure que c'est hallucinant. J'ai jamais vu une égalité qui se colle et qui continue d'avancer, mais en égalité. Mais oui, c'est ça. Je laisse encore, mais vraiment, ce sont les 50 dernières secondes. Allez, venez nous rejoindre, les fifous. Les fifous du 6-9 sur Énergie. On vous accepte, et il faut d'abord les accepter pour qu'ils puissent voter. Ouais, mais moi, on les accepte tous, allez. Tiens. Allez, hop, on t'accepte dans le groupe. Tiens, toi aussi. Bam, bam, bam, bam. Bizarrement, il n'y a que des Carolos et des Liégeois qui arrivent. Hein. Les Namurois, ils disent, ouais, non, on est loin. Tout mais venez quand même nous rejoindre, c'est cool, on est chouette. Hein. Allez, votez maintenant. Réponse dans moins de 20 secondes maintenant pour ce pays-ville. On viendra passer une après-midi. On fera une activité tous ensemble. Je ne sais absolument pas encore. On ira boire un verre dans un café, c'est chouette. Attention, les dernières secondes. Attention, la ville où nous allons aller est. Charleroi. C'est pas possible. J'ai fait une capture d'écran pour ne pas me soupçonner de triche. Voilà, je viens de faire une capture d'écran qui est juste là. Ouais, parce qu'on est de nouveau à égalité. Hein. On est de nouveau à égalité. Mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas possible. Il faut qu'on continue jusque 9h de nouveau. Je viens de faire une capture. Ouais, mais comme vous voulez. Moi, je veux bien continuer jusque 9h pour laisser une petite chance aux Liégeois. Liège, bon, Liège, voilà. Est passé devant maintenant. Non, mais les pauvres Liégeois, tu vois. Voilà. Ah, trop tard. Non, pourquoi pas. On va. Je sais pas quoi faire. Je sais absolument pas quoi faire. Ceux qui débarquent maintenant disent c'est pas juste. Vous savez quoi? Je laisse la chance jusqu'à 9h. C'est vendredi, c'est le week-end, on laisse jusqu'à 9h, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Et à 9h, on verra quelle est la file en tête. Si elle est la Camorra sur Énergie, juste après, on vient avec le Ping Pong Star. Votez sur le Facebook. Il m'a dit t'es où, je te rejoins, t'es là. Moi, je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a fâché. Je suis pas ton plan bête, t'as ma tête fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi, je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. I'm

and never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I'm sitting bien ce matin, 6h16 sur Énergie. Bon réveil avec nous. Dans un instant, c'est Alvaro Soler qui va arriver avec la Cintura. Ça arrive dans quelques minutes. Avant ça, on va faire un ping-pong star. Je rappelle les règles du ping-pong. Ping-pong star. C'est très très simple. C'est du ping-pong. Tu prends du raquette. Si tu prends du raquette, tu vas faire une raquette. Voilà. Quelqu'un d'autre va faire une raquette. Ping-pong star, je vous donne un prénom et à vous de me donner donc des noms de stars en ping-pong. Un prénom, c'est la balle. Un prénom quoi ? C'est la balle. Ouais, voilà, c'est ça. Et en ping-pong, et donc pendant 30 secondes, celui qui arrive au bout de la clochette, il a perdu. Celui qui bug et qui ne sait plus pendant plus de 5 secondes, il est perdu. Et voilà. T'as un bon mot ? Ouais. Oh, Tiffany, je te sens motivée. Ouais. Ouais. Allez, go, c'est parti. Je vais même changer une règle. Ce sera plus 30 secondes, ce sera 20 secondes. Ouais. Oh. Parce que j'ai plus le chrono de 30 secondes. Voilà. Donc voilà, on adapte. 20 secondes et Tiffany, tu vas nous faire un ping-pong avec, avec Jérém, tiens. Sur les. David. Hallyday. David Charvet. Mais tu plaisantes. C'est eux qui nous écoutent il y a exactement 5 minutes. Hein. David, Goff, David Goffin. Mais David c'est... Janssen. C'est un chanteur des années. Ok, si tu veux. David Beckham. David. Ouais, David, David, au revoir. J'ai vraiment une question pour Tiffany. Est-ce que tu nous as écouté il y a Oui, je vous ai écouté, mais bon, tu crois que j'ai une bonne mémoire? Purée, mais on l'a fait. Bah oui, je sais bien, mais j'ai pas de bonne mémoire. En même temps, tu l'as dit, il était 6h05. Ah oui, quand même, c'est un vrai poisson rouge. Hein. Elle a fait 2 tours du studio, 2 tours du bocal, et ça y est, elle se souvient plus, quoi. Très bien, ça fait donc un point pour Jérém. Ouais. Bravo. Merci. Jérém en compétition avec Aurélie de la Rédac. Oh, elle est forte. Ça dépend pourquoi. Elle va pleurer. Et nous... Omar. Nous allons faire les Patrick. Bruel. Patrick... Patrick... Mince. Enfin. Patrick Sébastien. Bosso. Patrick. Patrick. Patrick. On n'attend pas Patrick. Patrick Chirac. Bim. Oh non, c'est dégueulasse. Ah si, t'as eu. Ah, t'as eu. Alors. J'en oui, tout plein. Non, oui. Patrick Chirac. Et en même temps, non, puisque c'est un personnage. Voilà. Oh, c'est bon, hein. Ouais, mais. Non. Il est pas réel. Bah, ça va. Bah, non, on est tous un petit peu Patrick Chirac. Est-ce que tu dis oui ou non pour Patrick Chirac? Moi, je dis valide non. Valide ou pas valide? Non, pas non. Valide. Tiffany, valide. Pas valide. Pas, on est d'accord, donc pas valide. Bon, désolé, enfin. Jérém. Un point pour Aurélie, un point pour Jérém. Et alors, on va finir la compétition avec Aurélie de la Rédac face à Frisco. Ouhouh. Je te laisse aucune chance de te. Ouais, merci. De gagner, Jérém. Oh, ça va, tu gagnes toujours. Ouais, ça va. Et vous allez, s'il vous plaît, Frisco et Aurélie, me faire les. Qui commence? Les, toi, honneur aux femmes. Ah, pour toi, Aurélie. Et vous allez me faire des Michael. Michael. Jackson. Michael. Michael. Michael. G. Fox. Jones. Yoon. Michael Yoon. Ah oui. Oh, je me souviens plus de Douglas. Oh purée. C'est Ah oui. Hey. Et bravo.

goûter notre nouvelle lasagne. Élue par vous, la meilleure de Belgique. Quoi de mieux que comme et à casa, à part... La nouvelle lasagne bolognaise à casa. 6h30 sur Énergie, dans un instant, Rudimental, Major Lazer. Un petit point sur l'actu, avant ça, voici la météo. De la grisaille, c'est ce qui nous attend ce matin. Ensuite, le temps sera souvent ensoleillé. Côté température, entre 15 degrés en Ardennes et 18 degrés partout ailleurs. À 6h30, l'actu de ce vendredi 19 octobre avec Aurélie. Attends, bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les fonctionnaires wallons sont en grève aujourd'hui. Les syndicats dénoncent la lenteur de la mise en œuvre des accords négociés de longue date. Ce matin, des piquets de grève sont installés devant les services publics, le Forum ou encore le centre Pérex et les centres IFAPME. Une réunion doit normalement avoir lieu avec le gouvernement wallon le 25 octobre. Précisons que les transports en commun ne devraient pas être touchés par le mouvement. Seul le vin et la bière sont désormais autorisés aux jeunes de 16 à 18 ans. C'est une décision de la ministre de la Santé, Maggie De Bloch. Bref, les mélanges à base d'alcool deviennent interdits. Par contre, les mélanges avec un arôme de fruits ou une boisson non alcoolisée sont autorisés. En cas de doute, les commerçants et les serveurs peuvent contrôler l'âge des consommateurs. Notons que la ministre refuse d'interdire le vin et la bière aux moins de 18 ans. Pour elle, ça les rendrait encore plus attrayants. La Flandre recale le nouveau code de la route. Le gouvernement de la région flamande estime qu'il y a de nombreux dépassements de compétences. Il estime aussi qu'il ne faut pas supprimer complètement le code de la route actuel. Le texte devait normalement être publié au Moniteur belge à la fin de l'année. Il aurait dû entrer en vigueur au 1er janvier 2021. La Wallonie et Bruxelles n'ont pas encore donné leur avis. La réforme pourrait être aussi compromise avec les élections législatives qui auront lieu dans quelques mois. On termine avec du sport et du football. On débute la 11e journée de championnat ce soir. Le FC Bruges rencontre Westland Beveren. Début du match à 20h30. Le 6-9 sur Énergie, c'est comme un fast-food. C'est bon. Mais c'est dur à digérer. Un peu comme mon chinois hier, hein, je vous le dis. Il est toujours là. Et surtout, ce qui me fait peur, c'est qu'on va faire une dégustation tout à l'heure. Notre pays a été champion du monde de dégustation. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. On va devoir déguster ce matin. Ah non, mais j'ai peur. Enfin, moi, à mon avis, je vais... Ouais, mais quand je sais que c'est Aurélie et Tiffany qui ont fait la cuisine, il est moins content du coup. Tu peux avoir peur. Toute l'équipe est là en tout cas. Il y a Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Il y a Jérém. Coucou. Il y a Aurélie de la Redac. Bonjour. Il y a Tiffany au standard. Bonjour tout le monde. On est là jusqu'à 9h, c'est le 6-9. On démarre ce week-end tous ensemble. Voici Rudimental. As I walk through the world, so many things I see. And then I say to myself, it's never as it seems. 'Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. 'Cause you are the one, you rule your world. No bad man on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone, make I live my life. Leave me alone. You are sur Énergie, ça arrive dans un instant. Avec Ocean, 6h35. Bon réveil avec nous sur Énergie. On va jouer ensemble ce matin au mot gagnant. Qu'est-ce qui se passe? Encore les bandes de rire. Mais non, c'est parce qu'en fait, Jérém nous a montré une vidéo d'un coach belge qui coach une joueuse de tennis russe et qui lui fait un speech en plein milieu d'un match, et la meuf elle arrive à retourner la situation et à gagner le match. Tellement c'est... le speech est beau à l'américaine. Voilà. Ouais. Et je lui parle, ouais, t'imagines, mais quand t'as un coach qui te parle comme ça, ça te donne des ailes et tout ça. Il fait, ouais, mais moi, à mon niveau, jamais quelqu'un me parlerait comme ça. Et puis voilà, je pensais à toi, FIFA, quand tu parlais à tes joueurs. J'étais mort de rire. Et bah, ils sont bons. Allez, allez, mon grisou. Allez, mon grisou. Allez. Ah non, je l'ai pas celui-là. Non, elle est trop chère, mec. Il coûte une pêche. En attendant, on joue au mot gagnant avant d'écouter Martin Garrix sur Énergie qui vient jouer ce matin. C'est Nicolas qui travaille comme indépendant dans le nettoyage. Il est marié, il a deux enfants, Amélie et Anthony. Et il aime le football. Il est d'ailleurs supporter des Diables et du Sporting d'Anderlecht. Et puis il regarde un petit peu tout. Mais il aime regarder des reportages sur ce qui se passe dans le monde. Ah bien. Nicolas. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour. Salut Nico, bienvenue sur Énergie. Merci. Eh ben, sois le bienvenu dans le 6-9, on va jouer avec toi au mot gagnant. 20 secondes, c'est le chrono que tu vas avoir pour nous donner tout un tas de mots qui démarrent par une lettre que je vais te donner dans un petit instant. Quelqu'un de l'équipe fera la même chose, un mot en commun, et c'est le mot gagnant, en fait, tout simplement. Voilà. Ok. Tu choisis qui pour jouer avec toi ce matin, Nicolas? Il y a Jérémy, il y a Frisco, il y a Tiffany du Standard, il y a Aurélie de la Rédac, ou je peux aussi jouer avec toi si tu le désires. Ah bah je vais prendre Tiffany du Standard. Du Standard, oui. Je vais arrêter de me proposer mon sang. Personne n'aura la faute de moi, donc c'est bon, j'ai compris. Marco, tout le monde t'aime bien. Tiffany du Standard, allez, get out. Tu mets ton casque alors que tu t'en vas? Ouais, pas compris. Je crois que Tiffany, je vais pas vous mentir, il est 6h37, elle est pas encore tout à fait réveillée. Moi, elle se réveillera vers 19h. Ah, elle est magique cette fille, j'adore. C'est bon, Tiffany est sortie. Nicolas, tu vas avoir 20 secondes maintenant pour nous donner les mots qui te passent par la tête. De quoi qu'il s'agit. Non, après, je t'expliquerai après. Tu veux faire une blague, toi? Ouais, juste avant qu'elle revienne, il faut que je vous dise un truc. Ah. Ça va? Nicolas, le mot gagnant, 20 secondes, c'est parti. Et on va faire la lettre L. L comme un L. Un L, quoi. Hein? Ah. Ok. 20 secondes, c'est parti. L. Livre. Encore. Plein de mots. Livre. Louer. Laver. Léger. Léger, oui, on va prendre léger parce que c'est léger là. Pour le coup, c'est très léger là. Bon, je voulais faire une vanne, mais bon, là, je pense que ma vanne va pas fonctionner. Si jamais elle trouve le mot, on dit rien. On la laisse encore chercher et pour faire genre qu'elle a perdu. Ah ouais, ok. D'accord. Okay. Ça va, on va faire ça, mais là, ça va être chaud quand même. Bah oui, mais là, je pense qu'on va pas faire de blague, elle va vraiment pas trouver. La vanne va être réalité, je pense. On va voir. Peut-être que Tiffany va être connectée avec toi ce matin, Nicolas. Allez, Tiffany, reviens dans le studio. Hey. T'as détaché tes cheveux, toi? Ben ouais. Tu fais des trucs beauté en même temps. Comme elle fait, ben ouais. J'ai lâché mes cheveux. Hein, ben ouais. Vous voulez me remettre dedans? Tiffany, du Standard, 20 secondes, et tu nous fais la lettre L, s'il te plaît. L. Vas-y. T'es prête? C'est parti. Lumière. librairie. Le. Aïe. Lampe, livre, Lego, Allez, mais il y en a pas un. Mais non. Qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est vraiment une blague, nul. Il a fait 23 mots et t'arrives même pas à en trouver un seul. 23. Ouais, non, elle est 15. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as donné des mots hyper scientifiques, Nicolas, ou quoi? Non, pas du tout. Des mots... Franchement, j'ai donné livre, il me semble. Hein. Il me semble que j'ai donné livre. Il y était, un livre, on est d'accord. Ouais. T'aurais dû voir la tête de Tiffany, c'était magique. Quoi, il y a rien? Toujours. Eh ben, c'est gagné ce matin, Nicolas, du cadeau pour toi. Tu peux choisir entre 4 places de cinéma, notre enceinte Bluetooth, Waterploot, ou alors... J'adore. Tous les jours, il y a un autre différent pour Waterploot. Ou alors la compil énergie. Ouais. Très sympa, à mettre dans la voiture. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah oui, parce que si tu mets dans la piscine, ça marche pas. De quoi, Nicolas? Je vais prendre l'enceinte Bluetooth. L'enceinte Bluetooth. Eh ben, on t'envoie ça à la maison, Nicolas. On te souhaite une excellente journée avec Énergie. Merci, à vous aussi. Merci, super. À bientôt. Bisous, Nico. Bisous. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Et puis, bah, nous, on s'écoute là maintenant. Martin Garrix, c'est juste après. Ah, c'est déjà maintenant. Oh non, la dégustation arrive, les copains. Oh, je suis pas bien. J'ai le chinois qui. Oh là là. Tell me what you're crying for. I'll wipe your tears all up. If you're so shaking love, we'll come for you for sure. You don't have to question if I'm my aunt, where we are. You could put an ocean between our love, love, love. It will keep us apart. You could build a wall, I would run it up, up, up. Just to get to your heart. Une pizza au Nutella existe? Est-ce que c'est possible qu'elle existe? À votre avis? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Oui, oui, oui. Oui. Moi, c'est mon rêve de toute façon, donc j'espère que oui. On va parler de bouffe dans un petit instant et notamment des goûts complètement improbables. Est-ce que justement une pizza au Nutella existe? Est-ce que des chips au kebab existent? On répond à ça dans un instant. On va écouter Dimitri Vegas et Like Mike. Des chips à l'ail bébé crabe. On parle de ça juste après Dimitri Vegas sur Énergie. Vous élisez chaque année, grâce à Énergie, les meilleurs DJ mondiaux. Énergie DJ Awards 2018. Assistez à la cérémonie depuis Monaco, aux côtés de vos DJs préférés, grâce à la phrase Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux aller à Monaco au Énergie DJ Awards. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos accès exclusifs pour les Énergie DJ Awards 2018. Nous étions en famille, confortablement installés pour regarder la télé. Mais au moment de sauver la chaudière, l'atmosphère était devenue chaudière. Un problème de chaudière peut gâcher vos bons moments. Pour vous garder au chaud cet hiver, Luminus installe votre nouvelle chaudière. Calculez votre devis sur luminus.be/chaleur. Ce moment où tu empruntes les lunettes des années 80 de ta grand-mère pour être tendance. Wow, cool tes lunettes. Ah, merci. J'ai mal à la tête. Et ce moment où tu entends à la radio... Back to the 80s. Pearl fête ses 35 ans. Et pour l'occasion, toutes les montures de marque sont à 35 euros. Alors va chez Pearl, tiens. Macro, flash info.

Des bonbons goût oignon, à votre avis? Des bonbons. Moi, je dis que ça peut exister. Ça doit être horrible, mais oui. Enfin, en fait, il y a plus rien de m'étonne. En fait, plus rien de m'étonne. Plus rien de m'étonne. Eh ben, oui, les bonbons au goût oignon, ça existe. Il paraît qu'on pleure quand on le déballe. Et puis, c'est cool à prendre si jamais t'as un rendez-vous. Tu veux pas que ça termine bien. Effectivement, ouais. Alors, à votre avis, probable ou improbable, la glace à la viande crue de cheval? Improbable. Déjà, la viande de cheval. Non. Non? Oh non, c'est pas possible. Eh ben si, ça existe. Non. Oh, ça me dégoûte. Ah, c'est affreux. À la viande crue de cheval. Ouais, c'est frais, hein. Franchement, c'est horrible. Alors, celui-là, il est magique. Des chewing-gums goût foie gras. Ça existe, je vous confirme. C'est génial pendant les fêtes. T'as pas un chewing-gum? Oui, j'ai un goût foie gras. Canard laqué. Ou du saumon. Ou c'est quoi les trucs, les petits. Du caviar. Goût caviar. Foie gras, c'est bon. Ah oui, mais en chewing-gum, non. Pas terrible. Je supporte pas le foie gras. On est bien d'accord. Des chips au concombre. À quoi ça sert? Mais quoi, c'est des concombres. Bonne conscience. Tu manges des chips grasses aux concombres. C'est des concombres qui sont devenus chips ou c'est des chips goût concombre? C'est des chips aux concombres. Donc goût concombre, si tu préfères. Ah. Oh, pourquoi pas, il y a bien des chips en burger et ça tout existe. Ça. Hein. Et ça doit être vachement bon. Quand tu manges avec du tzatziki. Ah bah ouais. Chips. Comme si tu mangeais avec un concombre. Hein. Ouais, c'est pareil. Un Oreo. Goût aile de poulet sauce piquante. Oh non, ça c'est pas possible. Ça t'a inventé. C'est pas possible, hein. Eh ben si, ça existe. Non. C'est affolant. Sacrilège. Sacrilège. Un Oreo goût aile de poulet sauce piquante. Non, c'est pas le bon son. Tu veux faire le malin et puis t'y arrives pas. Des chips à l'ail et bébé crabe, ça existe. Des pop-corn au fromage, ça existe aussi. Des ramen au goût Pringles. C'est quoi des ramen? Mais c'est pas des... Ah, des nouilles, des espèces de nouilles. Ce sont des nouilles. On veut ma mort. Et enfin, on finira avec le petit dernier. C'est une bière qui est tout nouveau, qui va sortir dans les pays nordiques. À votre avis, à quel goût? Chocolat? Poisson? Non. Sauce partie intime des femmes. Oh, non. Bon appétit, bien sûr. Sometimes these cuts are so much deeper than they seem. You'd rather cover up, I'd rather let them be. So let me be, and I'll set you free. Oh yeah. I am in misery. There ain't nobody who can comfort me. Oh yeah. Why won't you answer me? The silence. Salty skin and how it mixes in with mine. The way it feels to be completely intertwined. Not that I didn't care, it's that I didn't know. It's not what I didn't feel, it's what I didn't show. So let me be, and I'll set you free. Bye. sur Énergie. Bon vendredi, c'est le week-end. Jonas Blue qui va arriver dans un instant, 6h55. On va faire une battle, enfin une dégustation tout à l'heure, puisqu'on parlait de goût improbable il y a quelques minutes. D'ailleurs, je te confirme, la pizza au Nutella existe, mon Frisco, voilà, sois rassuré, elle existe. J'ai déjà mangé d'ailleurs une petite pizza au chocolat. Ali nous dit ça par SMS au 3018, on voit une pizza Nutella à Anderlu. Ah bien, dans une pizzeria ? Dans une pizzeria, chez Centro Pizza. On arrive 6h50. Je viens tout à l'heure. Mais les fours en route, on débarque. Jonas Blue sur Énergie. Et dans un instant, faites pas genre, mais on l'a tous fait. To the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires. Tell me, should we go somewhere high together now? Till the eastern colors, love is undercover. Shall we ride to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires? Tell me, should we go somewhere high together now? In the cover. Alors, ça va les vacances? En tout cas, chez vous, à la maison, tout est sous contrôle. J'ai arrosé les plantes, j'ai changé le bac du chat. Ah, et maintenant, je vais faire un petit tour avec Pétrus. Mais oui, on va se faire une petite terrasse. Oh, on y va, vous. Allez, salut, hein! Habitez dans un quartier formidable? Venez découvrir les habitations prêtes à vivre de Matexi. Nous créons des quartiers où il fait bon vivre ensemble. Venez les visiter lors de la journée découverte Matexi du 21 octobre. Retrouvez toutes les adresses sur matexi.be. Matexi, bienvenue chez vous. Il est bientôt 7h sur Énergie, bienvenue. Énergie. Prêt pour le savoureux concours des maîtres boulangers-pâtissiers? N'en ratez pas une miette. Gagnez un an de pain croustillant. Info sur le sac à pain de chaque boulangerie participante ou sur maîtresboulangerspâtissiers.be. Bon, je vous parle d'un truc dans un instant. Avançons un petit point sur l'actu et la météo pour aujourd'hui avec Aurélie. De la grisaille ce matin, des éclaircies cet après-midi, côté température entre 15 et 18 degrés. À 7h, on s'informe l'actu de ce vendredi 19 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Aujourd'hui, les fonctionnaires wallons sont en grève. Les syndicats veulent dénoncer la lenteur de la mise en œuvre des accords négociés de longue date. Ce matin, des piquets de grève sont installés devant les services publics, mais aussi devant le Forum ou encore le centre Perex et les centres IFAPME. Une réunion devrait avoir lieu avec le gouvernement wallon le 25 octobre. Les transports en commun ne devraient pas être touchés par le mouvement ce vendredi. Les rues scolaires seront bientôt autorisées. À partir du 20 octobre, la circulation pourra être interdite à certaines heures dans une rue où se trouve une école. Le but est de sécuriser les déplacements des enfants. ces rues seront uniquement accessibles aux piétons et aux cyclistes. On termine ces infos avec du sport et du football. On débute la 11e journée de championnat ce soir. Le FC Bruges rencontre Westland Beveren. Et début du match à 20h30. C'est le week-end les copains, c'est vendredi, le week-end qui démarre, on est là au taquet avec vous évidemment comme chaque matin dans la bonne humeur. Les fifous du matin sont là, il y a Tiffany au standard. Bonjour tout le monde. Il y a Aurélie Darédac. Coucou. Il y a mon Jérém. In the place. Et il y a Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour mon Marco. Marco. Il pète un câble. Il y a Chris qui écrit un match de boxe, tu sais. Ready to rumble. Ladies and gentlemen. Oui, j'espère que tu vas bien ce matin. En tout cas pour vous, il faut que je vous parle d'un truc dans un instant. Hier, j'ai été faire les courses. Ah, chouette, bravo. Ouais, c'est bon. Marco a fait les courses. Marco. Mais j'ai même ma femme, ce serait plutôt hier, t'as été faire les courses. Et ça a pris une heure et demie. Et ça m'a pris très beaucoup, très longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom. Bonne journée, un très très bon début de week-end sur Énergie. C'est le 6-9, dans un instant Clara Luciani qui va arriver. Et je voulais vous parler de ce petit moment que j'ai eu hier. J'ai été faire les courses, vous allez me dire, oui, bah, comme tout le monde on fait toutes ces courses, évidemment. Ouais, ouais. Évidemment, mais il y a un truc, je suis sûr, que vous ne faites plus. Et je me suis amusé encore hier à faire. Avec le caddie. Tout le monde voit le chariot, ouais. Le caddie. Ouais. Est-ce que vous faisiez ça, si vous me dites non, je suis pas bien, de courir et de te mettre sur le caddie comme si c'était une trottinette. Bah oui, on l'a tous fait. Et de la partie dans le magasin. Les gens, ils me regardaient bizarre. Et qu'est-ce qu'il fait l'adulte là? Pourquoi il. L'adulte, en fait, c'est un enfant dans un corps d'adulte. C'est ça quoi. T'as déjà essayé de te mettre dans les trucs pour les enfants? Là, c'est sûr, je rentre plus là, je suis bloqué là. Tu sais, ça a un nom, hein, ça s'appelle le syndrome de Peter Pan. Hein. Ah ben voilà. Peter, allez, viens. Bref, faites pas genre, on l'a tous fait. J'ai envie de parler de ça avec vous ce matin. De ce genre de trucs qu'on fait. Mais toi, genre, fais pas genre, tu l'as déjà fait quoi. Genre ouais, ça, comme j'ai ça, fait quoi. Le caddie, quoi, courir et se mettre dessus. En parlant de caddie, je suis sûr que vous l'avez tous fait. C'est, tu vois, tu payes pour avoir le caddie. Ouais. Eh bien, avec la chaîne, t'essayes de récupérer ta pièce en faisant le tour et de remettre le truc dedans. Et ça fonctionne jamais. Et ça fonctionne jamais. Il y a toujours un maillon, hein. C'est un maillon. Ouais, c'est le maillon faible. Tu le sais que ça fonctionnera pas, mais tu le fais quand même. Oui, c'est ça, t'essayes. Mais faites pas genre, vous l'avez tous fait. Faites pas genre, on l'a tous fait. On va parler de ça avec vous ce matin. Vous nous dites 30 par SMS ou alors vous nous appelez 0800 23 456. Faites pas genre, on l'a tous fait. Tiffany. Ben moi j'ai un petit peu honte hein, parce que c'est quand je vais chez les gens, des gens que je connais ou même des gens que je connais un peu moins bien, quand je vais aux toilettes, j'ai toujours peur qu'on entende. Et donc qu'on entende quoi? Ben, qu'on entende que je fasse pipi quoi. Ah pipi. Ouais, ben, oh, ça va. Ouais, donc, et donc coup, tu fais quoi? Ben, j'ouvre le robinet. Ouais, mais donc tu t'économises pas d'eau quoi. Ben non. Ah bah bravo, félicitations. Par contre t'es toute seule chouchou. Ah vous l'avez jamais fait? Non, non, jamais de la vie. Ah, okay. Je vais taper la casseuse flotteuse. La nana chez les gens, elle ouvre les robinets et elle va. Non, eh ben moi j'ai une autre astuce, c'est tu tires la chasse avant, tu fais pipi, comme ça avec le bruit de la chasse. Ah ouais. Ça aussi, je l'ai déjà fait, mais ça passe un peu moins bien puisque les gens se demandent après, mais tiens, elle vient de rentrer, pourquoi elle tire la chasse? Mais oui, mais alors vous économisez pas d'eau. Oui, vous n'êtes pas très bien. Écolo. 30-18 par SMS pour venir en parler avec nous. Il y a déjà des messages qui arrivent, c'est magnifique. Aurélie de la rédac, fais pas genre, mais on l'a tous fait. Oh, j'ai essayé de lécher mon coude et ça fonctionne pas non plus. C'est vrai que. Dès qu'on en parle, là, c'est galère. Mais ouais, mais c'est. Ah. Mais il paraît qu'il y en a qui réussissent, qui ont déjà réussi. Mais c'est impossible. C'est impossible. Alors, si t'as une grande langue. Ah. Ou si t'as l'épaule déboîtée, ouais. Non, frise quoi. Arrête, non. Tu vas finir par rester bloqué. Faites pas genre, on l'a tous fait. Tiens, Frisco, toi, qu'est-ce que tu nous as fait? J'ai honte aussi. J'ai peur. Non, mais des fois, tu sais, quand tu fais vite un petit pipi et que t'as. Voilà, c'est juste un petit pipi. Je fais genre, je me suis lavé les mains parce que ça me saoule. Oh non. Et qu'est-ce que t'appelles faire genre, te laver les mains? Ben, oui, c'est pas très écolo, mais je passe ma main vite fait en dessous de l'eau, mais genre, je la touche pas à l'eau, tu vois, pour pas m'essuyer les mains après. Et je fais vite aller le truc séchage de main pour faire genre, je me suis lavé les mains et puis je sors. C'est dégueulasse. Et le but de cette séquence, c'est faites pas genre, vous l'avez tous fait. Mais ouais, vous l'avez déjà fait, évidemment, non. Vous l'avez tous fait. Non. Si, toi, tu l'as déjà fait, tu me l'as déjà dit. Non. Non. Non, moi je mets le robinet, je me lave les mains. Ouais, jamais toujours, ouais. Ah, évidemment. Non. Allez, non, t'es tout seul. Maintenant c'est bien, on sait quand le séchoir fonctionne 2 secondes. Frisco, c'est pas laver les mains. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Comme je mords, comme j'aboie. Regarde sous mon sang là. Prends garde, sous mon sang la grenade. Sur Énergie, faites pas le genre, on l'a tous fait. On parle de ça avec vous ce matin. Il y a des SMS qui arrivent, je n'en peux plus. Les gars, vous avez l'imagination, ou alors vraiment vous l'avez fait, mais c'est magique. 30-18 par SMS, on a dit un peu comme Tiffany. Moi, c'est mettre du papier dans les toilettes pour amortir la chute. Oui. Ben voilà. Évidemment, quand tu vas faire la grosse commission, tu mets un peu de papier toilette, tu vois, pour pas que ça fasse le plouf, quoi. On réussit. Ouais, mais parfois ça tombe juste à côté. Ou alors quand t'as oublié de mettre le papier, t'essayes de viser sur le côté. Là, tu vois, tu fais un petit coup. C'est un peu. C'est tellement ça, big up à toi Théo. 38 par SMS aussi. On nous dit prendre l'escalator à l'envers, évidemment. Ah oui, oh oui, on l'a tous fait. Faites pas genre, mais on l'a tous fait ça. On parle de ça avec vous ce matin. Vous nous appelez, c'est gratuit le téléphone pour revenir avec nous. C'est le 0800 2 3 4 5 6. Ou alors vous nous envoyez votre petit message 38 par SMS. On en parle avec vous ce matin. On a mis ça aussi sur le Facebook. Hein. Et sur Instagram, il y a Maëva qui dit faire pipi dans une piscine et avoir peur que quelqu'un vienne. Faites pas genre, on a tous. Ou peur, tu sais, du truc rouge, comme on t'a toujours dit. Si tu fais pipi dans une piscine, il va y avoir un filet rouge derrière toi. Je peux te dire que j'ai testé cet été, il n'y a pas de filet rouge. Il n'y a aucun filet rouge. C'est dégueu. 38 par SMS, on parle de ça avec vous ce matin. Zara Larsson qui arrive dans un instant. C'est le New Hit Friday, les copains. On vous le fait écouter. Nouveau hit de Zara Larsson, j'aime beaucoup. Il a l'air très, très, très sympa, je vais écouter vite fait, je vous le dis. On le découvre tous ensemble juste après. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. You, you, you, and you. I promise you could be a legend too. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. I guess you look happier. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit Music Only. Nous étions en famille, confortablement installés pour regarder la télé. Mais au moment de sauver la chaudière, l'atmosphère était devenue chaudière. Un problème de chaudière peut gâcher vos bons moments. Pour vous garder au chaud cet hiver, Luminus installe votre nouvelle chaudière. Calculez votre devis sur luminus.be/chaleur. Parce qu'on peut aller loin pour ses affaires. Marie, Serge, il faut boucler ce contrat. Et rester proche de sa famille. Hugo, Élise, il faut boucler votre ceinture. Skoda a créé l'Octavia Combi, le break le plus vendu en Belgique. En ce moment, en plus de son design, son espace, sa technologie et son confort, profitez d'un GPS gratuit. Infos et conditions sur skoda.be. Skoda, simply clever. Aller chercher les enfants à l'école, surveiller le devoir de maths. Du coup, pour cuisiner, on fait comment? Eh ben, on fait simple, sain et en promotion à moins 30%. Le dos de cabillaud frais issu de la pêche durable se prépare au four en 15 minutes. Facile, de l'aise. Du côté de la vraie vie, le jeu. Et si on faisait un jeu? On pourrait poser tous nos téléphones sur la table et tout ce qui arrive, on lit tout à voix haute. Un simple jeu entre amis, vire au cauchemar. J'ai reçu un message Facebook, quelqu'un qui veut savoir si tu portes une culotte. Vous pensiez connaître vos amis? J'avais dit que ce jeu, c'était pas une bonne idée. Le jeu, une comédie succulente avec Bérénice Bejo, Stéphane De Groot, Vincent Elbaz et Roche Dizem. Actuellement au cinéma. Au début, je n'arrêtais pas quand j'étais pas au téléphone, j'envoyais des SMS ou des mails et à la fin de la journée, j'étais vidé. Alors, on me rechargeait, je recommençais un poste par-ci, une photo par-là, jusqu'à l'épuisement et l'isolement total. Rapportez aussi les batteries usagées de vos portables dans un de nos points de collecte. Bébat leur donnera une nouvelle vie. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Eh bien, ça ne se présente pas bien sur nos routes. Vous perdez plus d'une demi-heure sur la E40 entre Liège et Bruxelles. On signale un bouchon de 7 km sur la Nationale 5 à hauteur... Red Bull te donne des ailes. Vous avez une cabane de jardin? Dans ce cas, vous êtes probablement l'heureux propriétaire d'une brouette cassée, d'un vieux skateboard ou d'un ballon de foot tout crevé. Oui, l'Euro propriétaire. Parce que jusqu'au 31 octobre inclus lors des German Days Opel, à l'achat de votre nouvel Opel Corsa ou Astra, vous recevez une prime de reprise de 2 500 € pour tout ce qui roule. Bref, une petite recherche dans votre cabane peut vous faire profiter bientôt d'une voiture allemande de très grande classe. Rendez-vous vite dans votre showroom Opel. On vous fait découvrir le New Hit Friday dans un instant. C'est le nouveau Zara Larsson qu'on va écouter là tout de suite. Aurélie, nous parlons de ce point sur la route. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'accident qui s'était produit dans le tunnel Trône à Bruxelles a été dégagé. Voilà, c'est fait. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Par contre, il y a des embouteillages du côté de l'E411. Comptez 25 minutes en plus entre Stockheim et Stirpenich. Ouais, courage, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Et c'est tous les vendredis sur Énergie, vous découvrez le New Hit Friday. C'est comme ça partout dans le monde, sur tous les Énergies dans le monde. C'est la classe totale. Voici le nouveau Zara Larsson avant tout le monde. I miss you, pushing me close to the edge. I miss you. I wish I knew what I had when I left. I miss you. You said fire to my world, couldn't handle the heat. Now I'm sleeping alone. Yeah, I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, let 'em make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. I miss you. I know you missing me too, like you should. I miss you. You said fire to my world, couldn't handle the heat. Now I'm sleeping alone, and I'm starting to freeze. Baby, come bring me out, let it rain over me. Baby, come back to me. Baby, come back to me. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Yeah. I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, that'll make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Bon, je vous le dis, je suis déjà fan, moi. Le nouveau Zara Larsson à l'instant sur Énergie. Pour oublier. C'était le New Hit Friday qui va revenir toute la journée. Le nouveau Zara Larsson qu'on fait découvrir aujourd'hui sur Énergie. Kenji, c'est dans un instant. Avec Pour oublier. Allez voir l'After Movie, d'ailleurs, on a mis ça sur la page Facebook Énergie Belgique quand il était venu ici dans les studios pour le concert. Live session de Kenji, très sympa. Allez voir ça. Cette vidéo. Energie.be et sur le Facebook Energie Belgique. On parle avec vous ce matin. Faites pas genre, mais on l'a tous fait. Ça cartonne, c'est magique. Il y a des réactions de pépites. Hein. Je vous le dis, on va se marrer là. Vraiment, on va se marrer. Des messages qui arrivent. Ça appelle aussi 0800 234 56, comme Nino qui était avec nous ce matin. Bonjour Nino. Bonjour l'équipe. Bonjour les fifous. Bonjour. Nino, fais pas genre, mais on l'a tous fait. C'est quoi? Dans un immeuble, plusieurs appartements ou l'hôpital, comme je l'ai fait cet été. Ouais. Appuyer sur les boutons de tous les niveaux et partir. aux personnes qui sont à l'intérieur. On l'a tous fait. On l'a, ouais, je confirme, vrai. On l'a tous fait. Au moment où tu arrives à ton étage, tu fais bah, bah, bah, bah, et tu te casses. C'est fini, ouais, exactement. Excellent. Bah, merci Nino d'être passé ce matin. C'est une excellente journée. À bientôt. Avec grand plaisir. Bonne journée. Bon week-end. Ciao Nino. 0800 234 56, ou alors le 3018 par SMS aussi. Vous nous envoyez ça. On a un message, on dit mettre la jambe derrière la tête quand on était petit. C'est vrai ça. Ah oui. On a tous essayé de mettre la jambe. Caler le pied derrière la tête. N'essaye pas de faire. Non, je vais me bloquer, je vais me faire mal. J'ai jamais réussi moi. Et vous savez quoi, on essaye après ici. Ah oui, je vous jure, on va faire une vidéo, on va mettre ça mais sur les réseaux sociaux. On va réussir, mec, on fait tous 100 kilos. Je vais craquer mon pantalon. 0800-23-456 pour venir réagir avec nous. Comme François qui est là aussi ce matin. Bonjour François. Bonjour tout le monde. Bonjour. François, on a tous essayé, faites pas genre. Alors, ne faites pas genre, mais moi je pense qu'on a déjà tous essayé de tailler un bic avec une taille crayon. C'est vrai. Tailler un bic avec les taille crayon, ouais. Oui, c'est vrai. Le plastique on... et le métal, un peu, ouais. Mais c'est vrai, on l'a fait. On l'a tous fait. Ouais, c'est vrai. C'est mon petit délicat. Oui, vas-y. Merci. Alors, je voulais dire bonjour à tous mes collègues de chez Paille, Annaline. Ouais. À mon papa, qui ferait tout pour nous, comme ma maman. Mes deux sœurs, Inès, Chloé et mon frère Adrien. Eh ben voilà, le message voilà. Est passé, mon François. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bisous, ciao, François. 3018, on nous dit essayer les vêtements, les sous-vêtements de ta copine. Ouf. Non. Non, t'as pas tous fait. T'as pas tous essayé. Lire un magazine de nana dans la salle d'attente chez le médecin, c'est Méline qui si, nous dit ça. Oui. C'est oui, vrai. Ouais. Évidemment. Ou bien tu regardes les autres gens et tu essayes de dire ce qu'ils ont comme maladie. Lui, il a sûrement une conjonctivite. Tu fais le pré-diagnostic avant le médecin, en fait. C'est exactement ça. 3018, on a dit envoyer un SMS et faire genre qu'on s'est trompé de destinataire. Surtout avec nos ex. Ludo aussi qui est là ce matin, 0800-23-456 pour nous appeler. Bonjour Ludovic. Bonjour Marco, bonjour les fifous. Bonjour Ludo, fais pas genre, mais on l'a tous essayé. Mais vous voyez les plots sur les trottoirs qui font 70 cm de haut. Ouais. S'amuser à jouer à saute-mouton avec. Évidemment. Et puis quand tu commences à perdre l'équilibre, là tu fais non, c'est bon, j'arrête, c'est trop dangereux, tu vois. J'ai une anecdote, j'étais en visite dans une ville et les plots étaient plus haut que 70 cm. Et mon père est en train de filmer et on me voit essayer de faire saute-mouton, sauf que je me suis rétamé par terre. Il faut que je retrouve cette vidéo. Il nous faut la vidéo. Il nous la faut, moi, il gère. Je vais essayer de retrouver ça. Ah, merci Ludo d'être passé, belle journée à toi. Merci, belle journée à vous. À bientôt. Il y en a un qui est arrivé, mais qui est d'une violence. Sortir avec une moche. Perso, c'est fait. Je peux l'enlever de ma to-do. Bise à mon ex. Nico qui nous envoie ça au 38. Bisous à toi, mon pote. Sonner à la porte d'une maison et se barrer en courant. Ouais, dédicace à la société Waco de Redan chez Amaury qui nous envoyait ça. Sur Facebook, il y a une perle qui vient d'arriver. C'est Delphine. Delphine dit faire sortir les deux couleurs en même temps des Big 4 couleurs. Oui. Les 4 en même temps. Ouais. Le combo. On a tous essayé ça. Et on s'est bien tous rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Ouais, mais tu essayes quand même. Voici Kenji sur Énergie, continuez de réagir. 0800-23-456, c'est le numéro de téléphone et c'est gratuit. Enfant des villes ou enfant des fois, on se fait tous une île pour aller bien à l'horizon. Pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Y'a plus ni futur ni passé. Danser, danser. Y'a plus ni futur ni passé.

Bonjour Marco, bonjour à tous. Les fonctionnaires wallons sont appelés à faire grève aujourd'hui. Les syndicats dénoncent la lenteur de la mise en œuvre d'accords négociés de longue date. Ce matin, des piquets de grève ont été installés devant les services publics, le Forum ou encore le centre Perex et les centres IFAP Aimé. Une réunion est prévue avec le gouvernement wallon le 25 octobre. Précisons que les transports en commun ne devraient pas être touchés par le mouvement. Les rues scolaires vont devenir réalité dès le 20 octobre. La circulation pourra être interdite à certaines heures dans une rue où se trouve une école. Le but est de sécuriser les allées et venues des enfants. Ces rues, elles seront équipées d'une affiche et barrées par des barrières. Ce sont les communes qui peuvent décider de l'aménagement d'une rue. Tout le monde peut faire la demande, les parents, les riverains ou encore les écoles. Le 10e marathon de la vitesse a lieu cette semaine, de mercredi à jeudi. Les contrôles ont été renforcés sur nos routes et cette fois, 27 877 conducteurs ont été contrôlés en excès de vitesse. Ils étaient plus de 33 000 lors du marathon de contrôle du mois d'avril. Un bon conseil, attendez pour mettre vos pneus hiver. Pour l'Institut Vias, il vaut mieux attendre deux bonnes semaines encore. En cause, eh bien, la météo plutôt clémente de ces dernières semaines. Il faut le savoir, les pneus hiver sont surtout utiles en dessous de 7 degrés. Au-dessus de cette température, les pneus adhèrent beaucoup moins à la route. Enfin, en sport, en football, on débute, c'est la 11e journée de championnat ce soir. Le FC Bruges rencontre Westland Beveren. Ça débute à 20h30. L'info énergie. 7h32, l'info énergie. On parle de quoi ce matin? On va parler chansons. Oh, chansons! Chansons belges. Oh, l'Union européenne va constituer son tout premier recueil de chansons. Et pour ça, elle a besoin de vous jusqu'au 18 novembre. Les Belges sont invités à choisir les meilleures chansons du pays. Des chansons qui vont donc représenter la Belgique dans le EU Songbook. Ah, bien. Ouais, donc il y aura 6 chansons belges, 6 chansons qui vont représenter la Belgique. Alors, il y en a 800 quand même au total, répartis dans 6 catégories, rien que pour la Belgique. Alors, catégorie amour, nature, liberté et paix, chansons populaires, croyances et enfants. Des chansons qui ont été sélectionnées par 2 chorales, une wallonne, l'autre flamande. Alors, dans les chansons, j'ai été jeter un œil. Il y a pas mal de Jacques Brel. Par exemple. Tiens, c'est bizarre. Il y a aussi de la petite gaïole. Est-ce qu'il y a la sonnerie du 6-9? Mais non, je comprends pas pourquoi on n'a pas pensé à la sonnerie du 6-9. Ça serait bien, hein? Ouais. Mais ouais. Bah, c'est pas possible. Hein. Pas possible. Il y a des marins qui mentent. Il n'y a pas de Stromae? Il n'y a même pas du. J'ai pas vu de Stromae. Scandale! Scandale parce que. Stromae. Formidable de Stromae, c'est. Je pense que... C'est formidable. Non, ça c'est pas Stromae. Ah, si, c'est Stromae? Non, c'est pas du tout. Ah, il a pris un coup de vieux, Stromae. C'est ça. Il n'est pas bien. Et il n'y a pas Sandra Kim, pardon. Il s'étouffe en disant son prénom. Oui. Et il n'y a pas non plus? Ah bah c'est dommage. Non. Ah bah tant mieux. Non mais il y a par contre, il y a des chansons en flamand. Alors ça, moi je les connais pas personnellement. Donc si vous voulez aller voter, ben ça se fait jusqu'au 18 novembre à l'adresse www.eu-songbook.org. Ah pour aller voter. Oui, je vais voter. Votez le 6-9. Quelle est la radio qui vous fait sourire chaque matin? Eh oui, c'est Énergie. On aurait dit le génie d'Aladin. Eh oui. Je sais que c'est lui. Ah. 7h34, bonjour. Le 6-9 est là, les fifous du matin sont là, George Ezra est là, tout le monde est au taquet et on est là jusqu'à 9h. Dans un petit instant de la dégustation et surtout le 6-9 quiz du vendredi. Ah oui, c'est juste après. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like it's someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Dans la bonne humeur sur Énergie. Bon vendredi, bon début de week-end. Marshmello qui va arriver dans un instant. J'adore ce nouveau hit. Ça arrive sur Énergie pour vous. 7h35, 6, 7. 7h37. C'est le retour, comme tous les vendredis, du 6-9 quiz. Et c'est comme ça tous les vendredis, 7h35, 6-9 quiz. C'est l'occasion de réécouter des bons moments de la semaine et de jouer ensemble avec vous. Et surtout d'offrir du cadeau peut-être à Mathieu ce matin. Oui, c'est Mathieu qui travaille comme jardinier pour un golf grandeur nature. Il vient d'avoir une petite, il y a 3 mois, qui s'appelle Luna. Il a des jeux vidéo, d'ailleurs il joue à Overwatch et Counter-Strike, je sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Global Offensive. Non. Ok. Bah, il aime aussi regarder les émissions du genre Vendredi, tout est permis avec Arthur. Ah bien. Ouais. Mathieu, bonjour. Salut, comment ça va? Ça va très très bien. Oui, c'est ça qui s'est arrivé. Grandeur nature. Grandeur nature. Un golf, généralement, c'est grand. Hein. C'est dans quel golf? Bah, alors, tu dis mini-golf, tu vois. C'est où, Mathieu? Quel golf? Au golf Sept Fontaines. Oh, je suis déjà allé jouer là-bas, moi. J'ai des amis qui jouent là-bas. Ouais. J'ai fait deux fois du golf. Vous êtes peut-être des amis en commun. Je vous jure, j'ai fait deux fois du golf dans ma vie et j'ai arrêté parce que j'ai failli tuer quelqu'un. Donc, mais je vous promets, j'ai jamais fait de golf de ma vie. Sérieux? C'est génial. Mais je rêverais trop d'en faire. Hein. Ah, mais je c'est trop en faire. C'est chouette, mais moi je te dis, vraiment, c'est trop dangereux pour moi. Attends, si je dis pas de bêtises, au Sept Fontaines, il y a le practice là où on s'entraîne. Il y a des poteaux en métal comme ça qui séparent chaque personne. C'est ça. Hein. Enfin, ça fait un petit préau comme ça, il y a des hauteurs différentes, c'est bien là-bas. Il y a ça à tous les practices. Oui, non, mais. je vous promets, je suis là comme ça, je suis chaud patate avec ma balle. Je tape dedans, vous me croyez, j'avais une chance sur 1000 que ça arrive. La balle part pas du tout tout droit, elle part à droite, elle rebondit dans le truc en métal et elle va taper derrière, sauf que les gens peuvent passer derrière toi, tu vois. Là, mec, t'as tout le monde qui me regarde et là, je fais. T'as même le gars d'à côté qui, à un moment donné, qui arrive, qui me fait « Je peux récupérer votre balle ?» Je fais « Oui, allez-y, tuez quelqu'un, vous aussi, avec cette balle, il n'y a pas de souci. Sois le bienvenu, en tout cas, Mathieu, ce matin. On joue au 6-9 quiz. C'est tout simplement des bons moments de l'émission. On va voir si tu as suivi cette semaine. À 8h05, tous les jours, on fait le duel énergie. Et cette semaine, on a eu quand même Mich-Mich, extraordinaire Mich-Mich, en tant que maître du duel. Bon, il n'est pas resté très longtemps, malheureusement. Mais il a laissé un très, très bon souvenir. À ton avis, lequel? Quel est le bon souvenir que nous a laissé Mich-Mich? C'est quand il donnait la bonne réponse, il criait « Olé !» Ou quand il donnait la bonne réponse, il essayait de chanter. À ton avis? Il essayait de chanter, non? Il essayait de chanter, on vérifie. Mich-Mich, on t'écoute. C'est Alizé. Alizé. Eh ben, ça fait 200 euros pour Mich-Mich. Michel, il a attaqué Mich-Mich, j'adore. Eh ben oui, c'est une bonne réponse. Génial. Il était magnifique ce Mich-Mich. Vraiment, j'adore. Dommage qu'il soit pas resté un peu plus longtemps. Hier, on a fait le jeu des 7 questions de la mort qui tue avec un fufou. Il s'appelle Alexandre et il est militaire. À ton avis, quand on a appris qu'il était militaire, qu'est-ce qu'on a fait?

l'instant, Cassie avec Me and You qui va arriver sur Énergie. Ça va être tout bon, ça. Avant ça, on va à 7h50, merci beaucoup, faire une dégustation. Je dis merci puisqu'on m'a apporté un... une écharpe, forcément. Nous allons faire une dégustation à l'aveugle. Ah. On va me dire pourquoi vous allez faire ça, quel est l'intérêt? Eh bien, sachez-le, la Belgique, et on peut être fier, on n'a peut-être pas été champion du monde au foot, ouais, mais on est champion du monde dans autre chose. Et alors là, pour le coup, on peut même être très très fier parce qu'on l'a volé à la France, ce truc-là. La Belgique est championne du monde de dégustation de vin à l'aveugle. Ouais, ben, cocorico. Bravo, ouais. Cocorico de Belgique. Et il y a aussi des coques en Belgique. On a détrôné les Français au vin. Exactement. Ouais. Et ça, c'est la classe. On a des meilleurs joueurs, mais vous avez été champion du monde. Et voilà, vous avez les meilleurs vins, mais on vous a défoncé. Il y avait 16 équipes de 4 personnes. Et donc, c'est un quatuor belge qui a gagné et qui est donc champion du monde de la dégustation à l'aveugle. Nous allons faire la même chose ce matin. C'est Aurélie de la rédac qui a été faire les courses hier. Tout à fait. Qui a été nous. J'ai peur, je vous jure, j'ai peur. Je vous demanderai, c'est à l'aveugle, hein. Donc les yeux, mais aussi le nez. Mais ouais, ça nous arrange parce que ça pue la rage. Bon, allez-y, mettez tous votre bandage. Allez. Et nous allons donc faire une dégustation à l'aveugle. Et donc le but, hein, c'est dès que vous avez la réponse, vous donnez votre prénom. Attends, et comme ça, vous savez, ça filme. Pour donner la réponse. Vous pourrez voir la vidéo après. Ouais. On n'avait pas de... Moi, j'ai des balles léopard sur la tête. C'est à qui l'écharpe, moi, qu'on m'a prêté là? C'est à PE. Ah, merci PE. PE qui va arriver dans un instant. C'est affreux faire la radio dans le noir, je ne vois rien. Oh, ça pue. Allez, on y va. Oh, ça pue aussi. Vous allez pouvoir voir la vidéo, évidemment. On va vous mettre ça sur le Facebook de l'émission Les Fifous du 6-9 sur Énergie pour en trouver. Allez, on y va, c'est parti, dégustation. Attends, mais où, toi, où? C'est juste devant vous. C'est prépiqué, donc il n'y a plus qu'à prendre la... C'est la fourchette. Ah oui, c'est dans la fourchette déjà. Attends, mais... Ah oui. Ah, fourchette. Oh, ça chlingue. Ça chlingue à mort. Oh, ça pue. Est-ce que moi, il est toujours dessus? C'est quoi ça? Il est toujours dessus? Oui, oui, oui, oui. Allez-y, 3, 2, 1. Jérém, je sais. Escargot. Escargot. Toi, t'as même pas mis dans ta bouche. Ce ne sont pas exactement des escargots. Je vais vomir. Jérém, coquillage. Les coquillages. Ça me dégoûte. Je vais vomir, je vous jure. J'ai encore les nouilles du chinois d'hier. Mais moi, je baffe. T'as un coquillage. C'est affreux, c'est quoi? C'est les coquillages. Ce sont des bulots, c'est une recette. J'en ai mangé cet été à la dune du Pilat. Ah ouais, c'était vachement meilleur. Ah ouais, c'est fou, tu les as bouffés à la bouche du Pilat, c'est dégueulasse. Ah, d'habitude, j'aime bien ça. C'est la recette bruxelloise, hein. Vous l'avez mangé, vous? Parce que moi, je fais que le lécher comme une glace. Mais est-ce que Hachel a pris ma chaîne? Eh ben, ça fait un point. Un point pour Jérém qui a eu la bonne réponse avec donc des bulots. Oh là là, deuxième plat. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter une règle? Une fois que vous l'avez mis en bouche, vous l'avalez. Non. Merci beaucoup. Bon. Si. Ouais, alors, enfin, j'ai envie de gerber, je te jure, je suis pas bien. Mais deuxième plat, allez-y. Alors, attendez, hop. Alors, je vous rappelle, c'est une dégustation. Oh, ça pue aussi, quoi. C'est quoi ce mais truc? Mais oui, mais t'as pris des trucs qui puent. C'est une dégustation à l'aveugle ce matin. On ne sait absolument pas ce qu'on mange, mais on doit le trouver. Attention, les gars. 1, 2. 3! Je crois. On fait quoi ça? C'est dégueulasse! Marco! Haricots blancs! C'est exactement un haricot blanc géant. Ouais! Ah, mais c'est dégueulasse! Je vois rien, je sais pas où il est le bouton ch'ting, mais ch'ting quand même. Mais moi j'ai encore le goût du boulot là! Mais moi j'ai encore le goût de l'iode là! Je vais de bon matin, l'haricot blanc, c'est super tôt, mais c'est dégueulasse. T'arrêtes de cracher, toi. T'as tout recraché. On peut pas. Oh, je suis contente de passer. Si, moi je crache. Moi je crache aussi. Attends, c'est dégueulasse. Allez, attention, le troisième. C'est le dessert. Le dernier, c'est le dessert. C'est un dessert. J'ai envie de voir son dessert. Merci beaucoup, parce qu'on ne voit rien. Je remercie Thomas, notre stagiaire, qui m'apporte tout. Attention, troisième plat. Oh, j'ai rien en main, moi. C'est une petite cuillère. Oh, je vais vomir, j'ai envie de gerber. Belgique. Attends, parce que là, on n'a pas vu sur le timing, il reste combien de temps? Attends, ouais, je vais checker quand même. Il est 55. Ça va. Il est 5 ans, ouais, faut pas tarder. On déguste ce petit dernier, les copains, vous pourrez voir ça sur Facebook. Ça sent la nourriture de chien. Non. On fait ça à l'occasion. Non, fais pas ça, Aurélie, j'ai déjà mangé de la nourriture pour chat. J'ai failli vomir mes tripes pendant 3 jours. La Belgique a été championne du monde de dégustation de vin à l'aveugle. Nous dégustons ce matin aussi à l'aveugle, mais on ne sait absolument pas ce qu'on mange. C'est pas du vin, ça, les gars. Marco, ça sent pas la nourriture pour chat. Ah, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous dites, les gars? Allez, on y va. 1, 2, 3. Ah, Marco! Allez, mettez en bouche, les gars. Ah, j'adore ça. C'est du chou. Non, c'est du. Non, c'est de la nourriture pour chat. C'est du chou. C'est ça. C'est quoi? C'est quoi? Oh, j'ai rêve, allez, mets dans ma bouche. Non, non, non, non, non, c'est la nourriture de chien. T'as pas fait ça? Oh, bah, si, pourquoi? Oh, non, c'est la nourriture de chien. T'as pas goûté? T'as pas goûté? Je te jure, mais moi j'ai eu des choux. Donc Marco, oh, les enfoirés, Marco a eu la choucroute et vous, vous avez eu, bah, c'est du bœuf aux petits légumes carottes. Pour chat? Oui. Mais non, non, non, je le casse. Ils sont sortis du studio en courant. Ils sont partis. Hey, c'est la Marco qui peut avouer maintenant que t'étais dans le coup quand même. Ah oui, j'avoue, c'est moi qui ai demandé ça hier. Vous allez voir ça sur notre Facebook. I shouldn't have had you waiting at all. I've been so busy, but I've been thinking about what I wanna do with you. I know the other guys, they've been talking about the way I do what I do. They heard I was good, they wanna see if it's true. They know you're the one I wanna give it to. I can see you want me too. Sur Énergie, venez nous retrouver. Vous allez voir Frisco Jerem, ils ont mangé de la nourriture pour chat. Mais il y a quelques jamais minutes. Jamais tu nous fais ça. Je suis obligé de manger des Kellogg's pour que ça passe. C'est affreux le goût, ça reste. Hein. Oh, ça reste, c'est dégueulasse. La nourriture de chat, quoi, merde. Dans un instant, le retour du duel Énergie à 8h35, c'est le débrief de PE. Ça va, mon Frisco? Mec, je crache mes glaives, j'en peux plus. C'est dégueulasse. La vidéo à voir sur le Facebook de l'émission Les Fifous du 6-9 sur Énergie. On vous met ça dans quelques minutes. Quand j'ai mal à la vie, car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme inutile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï. Et à tes héritiers, offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. sur Énergie, soyez les bienvenus, c'est le week-end, c'est vendredi. Amenez-moi le coq. Prêt pour le savoureux concours des maîtres boulangers-pâtissiers? N'en ratez pas une miette. Gagnez un an de pain croustillant. Info sur le sac à pain de chaque boulangerie participante ou sur maîtreboulangerpâtissier.be. Dans un instant, c'est le duel énergie qui revient ce matin à 8h05. Avant ça, on va écouter Dinoro et là voici la météo. On aura un temps un peu gris ce matin, ça ne va pas durer. Le temps sera généralement sec, ensoleillé aujourd'hui entre 15 et 18 degrés. On s'informe, l'actu de ce vendredi 19 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Le 10e marathon de la vitesse a eu lieu cette semaine, entre mercredi et jeudi. Les contrôles ont été renforcés sur nos routes. 27 877 conducteurs ont été contrôlés en excès de vitesse. Ils étaient plus de 33 000 en avril dernier, lors du dernier marathon. Les fonctionnaires wallons sont appelés à faire grève. Ce vendredi, les syndicats dénoncent la lenteur de la mise en œuvre des accords négociés de longue date. Des piquets de grève ont été installés devant les services publics, le Forum, mais aussi devant le centre Perex et les centres IFAPME. Une réunion doit normalement avoir lieu avec le gouvernement wallon le 25 octobre. Notons que les transports en commun ne devraient pas être touchés par le mouvement aujourd'hui. On termine avec du sport et du football. On débute la 11e journée de championnat. Ce soir, le FC Bruges rencontre Westland Beveren. Ça sera à 20h30. Sur Énergie, bonjour. Bonjour. C'est vendredi, c'est le week-end qui démarre, les copains, avec vous. On est là jusqu'à 9h, encore une heure à passer ensemble dans la bonne humeur sur Énergie. Le débrief de PE tout à l'heure à 8h35, soyez là, ça va arriver pour vous. Il y a le duel Énergie là dans un tout petit instant. Et on a aussi pour vous l'iPhone XR. On va vous expliquer comment le gagner à partir de la semaine prochaine. Ça va être tout bon ça. Sur Énergie, Lizzo avec Boys. On vous rappelle aussi que ce matin, on a lancé une battle ville, enfin depuis hier déjà. On va savoir à 9h, dans 1h, dans un petit peu moins d'une heure, dans quelle ville on va venir passer une après-midi. Peut-être chez vous. Il suffit d'aller voter. C'est les fifous du 6-9 sur Énergie pour en trouver sur Facebook, le groupe. Ouais. Et vous votez. Est-ce qu'on a une nouvelle tête? Alors, on était ex aequo à 6h. Là, Liège a pris de l'avance. Hein. Ils ont pris plus ou moins 10 personnes, 10 votes d'avance. Ah oui, bien. Donc dépêchez-vous, Charleroi. Il y a Liège, Charleroi, Namur, Luxembourg, Arlon, toutes les villes. Donc tout le monde est en compétition, mais c'est Liège et Charleroi qui se bataillent là. Eh bah, allez-y, votez maintenant, les fifous du 6-9 sur Énergie. On fait le point à 9h, avance à 8h05. Et c'est là, comme tous les jours, le retour de notre duel Énergie. Le duel Énergie. Avec Marie, notre maître du duel, 22 ans, avec 300 euros dans sa cagnotte. Elle est aide-soignante, elle est de retour ce matin avec nous. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va Marie? Ça va et vous? Très bien, et très content de te retrouver ce matin pour un nouveau duel. Tu ne seras pas seule derrière, puisque forcément c'est un duel, donc tu vas être en affront avec quelqu'un ce matin. Qui vient t'affronter? C'est Manuela qui travaille comme employée dans une entreprise de construction. Elle est mariée à Emmanuel, elle aime le sport en général, donc tout ce qui est fitness et musculation. Et puis en ce moment, elle vient de terminer la nouvelle série Elite sur Netflix, et puis elle adore La Casa des Papel. Donc Marie, tremble, parce que je ne sais pas si tu connais le clip de Miley Cyrus pour Wrecking Ball. Elle sera peut-être pas nue sur la boule, mais en tout cas, elle va te dégommer au passage. Tu ne vas pas en revenir. Elle est malade. Et elle part en impro, c'est ça le pire. Ouais, et après elle dit, et comment je vais finir ça? Eh ben, tu vas pas en revenir. Ça c'est de la vanne. Manuela, bonjour. Salut tout le monde. Salut. C'est trop mignon, ton homme s'appelle Emmanuel et tu t'appelles Manuela. Ben oui, drôle de coïncidence. C'est le M&M, ça. Tout à fait. L'histoire a été écrite, c'est génial. Manuela, sois la bienvenue ce matin. Marie, merci. Manuela, vous allez vous affronter. Attention, c'est un duel très spécial aujourd'hui. Nous allons jouer avec des reprises. C'est-à-dire que je vais vous mettre en fait l'original. D'accord? Je vais vous mettre un extrait musical, c'est l'original. Et il va falloir me dire quel artiste Énergie a repris ce titre-là. Oui, c'est chaud. Hein. Vous pouvez lever les yeux vers le ciel, c'est chaud. Mais à un moment donné, il faut aussi un petit peu compliquer les trucs. Hein, sinon, mois de janvier, on est encore là. Non, mais ça, vous allez voir, ça a l'air compliqué comme ça sur le papier, mais c'est plutôt simple. Donc, je vous mets la version originale. À vous de trouver quel artiste Énergie a repris ce titre, tout simplement. Règle importante, le buzzer, c'est votre prénom. Exactement. Et donc, votre prénom, c'est votre buzzer. Eh bien, j'adore, il y en a toujours un qui se fait avoir. Votre prénom, c'est votre... C'est mon prénom, qui me veut, lui. Votre prénom, c'est votre buzzer. 5 extraits, 100 euros par extrait, jusqu'à 500 euros à gagner. Bon courage, bonne chance, les filles. Que la meilleure gagne, Marie Manuela. Voici le premier extrait. Et donc, on cherche l'artiste qui a repris ce titre. C'est parti. Marie, on t'écoute. Kenji Girac. Marie, elle a compris le concept. Bam! Elle est là. Kenji, c'est une bonne réponse. La bohème. Eh ouais, Kenji. Ça voulait dire. On est heureux. Oh, j'adore. Yeah. La bohème. La bohème. Nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Ça, c'est pas ton cas, Frisco. J'allais la faire. Bonne vanne. Ne regarde pas comme ça. Bonne vanne, je vais le dire, bonne vanne. Ouais. Mais t'es folle, quoi. 8h09 sur Énergie, et ben Marie gagne 100 euros pour l'instant. Ça fait un point de plus avec Kenji qui a en effet repris Charles Aznavour, la bohème. Vous avez compris le concept du coup, c'est très simple. Marie Manuela, bonne chance. Voici le deuxième extrait, un petit peu plus compliqué celui-là. Oui, Manuela, c'est bien tenté, mais c'est Marie qui est en première. Marie, on t'écoute. Kids United. Oh, avec l'accent, Kids United. Kids United, et bah oui, ça fait 200 euros, mais oui. Elle est forte, Marie. Des petits enfants qui te disent on écrit sur les murs à l'encre de nos veines. C'est ambiance hein, chez les Kids United. Si on les connaît. Eh bien, ça fait 2 points pour Marie. Ils savent pas c'est quoi des veines. Hein. bien Marie, elle est forte, très très forte. Voici le troisième extrait. Tout peut se jouer déjà maintenant, Manuela. Si tu ne trouves pas, à mon avis, ça sera ballot et Marie restera maître du duel. Hein. Bonne chance. Voici le troisième extrait. Manuela. Ouais, Marie, mais... Ouais, non, Manuela. Ouais, je pense vraiment sur le coup, c'était Manuela. Sur le film Emmanuela. Manuela, on t'écoute. C'est M Pokora. Eh ben, ça fait 100 euros. Alors, il y a Thomas, notre stagiaire, le mec est fan d'M Pokora. Il est en train de danser, il se lâche. Il s'est transformé. Il disait boum, elle a trouvé mon artiste préféré, ma gueule. Eh bien, ça fait 2 points pour Marie, 1 point pour Manuela. Tout est possible ce matin pour Manuela. Ouh, ça va être chaud, je le sens bien. Attention, les filles, concentration. Voici le 4e et avant-dernier extrait. Manuela. Marie. Et aussi. Manuela, j'adore. Oh non! Désolé, ma chérie. Marie, on t'écoute. Maître Gims avec Vita, Slimane et un autre artiste que je ne sais plus. Ah, c'est dommage! Eh non, non. Déjà, honnêtement, moi j'avais noté sur le papier que si on nous donnait Maître Gims, c'était une bonne réponse. Là, tu nous en as donné quasi tous. C'est une excellente réponse! Bravo, Marie. Una mattina, j'écoute à énergie. C'est le 6-9, le 6-9, le 6-9-9 sur énergie. Tous les matins. Bon, c'est bon, Marco, c'est bon. Excusez-moi. Si tu le laisses partir, Marco, il reste pendant 2 minutes. Ouais. Et il fait toute la chanson, hein, sur énergie. Manuela, Marie. Et ben là, pour l'instant, je pense qu'on a Marie hein, qui reste notre maître du duel ce matin. Mais Manuela, tu peux essayer de la bloquer avec ce dernier extrait. On cherche l'artiste énergique qui a repris la version originale qu'on vous fait écouter. Dernier extrait, les filles, bonne chance. Marie, on t'écoute. Slimane. Oh, elle est trop forte. Elle est trop forte, mais oui. J'essaie de t'oublier avec une autre. Eh ouais, Slimane. Qui tente en vain de racheter tes fautes. Quelle voix, hein. Quelle voix magnifique. J'essaie, mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. Magnifique. Marie reste notre maître du duel. 600 euros dans ta cagnotte, Marie, bravo. C'est bien parti, c'est génial. Deuxième participation pour Marie et 600 euros. Bah, elle avait 300 euros hier, aujourd'hui 3 extraits ouais, trouvés. Okay, ça fait 3 et 3, ça fait 6, hein, je peux même pas te teubé. Ouais. Bah voilà, merci. Il y en avait 4 aujourd'hui, non? Oui, il y en avait 4. C'est 4 aujourd'hui, oui, c'est pour ça que je te disais 7. Sérieux? 700 euros? Oui, il y a 4 extraits que j'ai trouvés. Hein. Tu diras pas le contraire. Ah, hein. Eh ben, ça fait 700 euros. Cool. 700 euros pour toi Marie, tu reviens lundi à 8h05 pour poursuivre ta carrière en tant que maître du duel. Tu pourrais faire un geste, hein, 600, 700. Et bravo à Manuela quand même ce matin qui est venue essayer de t'affronter. Bien essayé Manuela et tu retentes ta chance quand tu veux. Merci, félicitations Marie. Merci beaucoup. C'est fair play en plus. Bah oui, c'est fair play, bravo. On t'embrasse Manuela, à bientôt. À bientôt, bonne journée. Salut Manuela. Et bah écoute Marie, lundi 8h05, t'as rien de prévu? Rien du tout, à part conduire mon petit bout de chou à l'école, j'ai rien de prévu d'autre. Eh ben, tu seras avec nous sur Énergie pour un nouveau duel. Bon week-end Marie et à lundi. Merci beaucoup, merci à lundi. Et bonjour à tout le monde, à Miguel, Logan, mon mari et le petit. Le message est passé Marie, bisous. Ça va, merci. Le duel Énergie. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Énergie. It's music only. L'envie d'une nouvelle cuisine ne vous quitte plus? En ce moment, Ego vous offre le montage de votre nouvelle cuisine et un électro au choix. Ego, la cuisine de ma vie. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Oui, même les petits lutins qui cherchent une nouvelle maison dans la forêt. Bonjour monsieur. Bonjour toi. Alors jusqu'à mardi, dans tous les magasins Carrefour, nos champignons sont à seulement 1,50€ les 2 raviés de 250 grammes. Carrefour.

nouveau Calvin Harris sur Énergie à suivre. Avec Sam Smith. On écoute ça dans quelques minutes, 8h22. On parle avec vous ce matin d'un événement qui va se passer ce week-end et qui va changer votre vie. En gros, c'est quelque chose qui va arriver ce week-end. Ça peut être dans le business, ça peut être dans votre vie privée. Un accouchement, un mariage, une promotion. Une rencontre, peu importe, vous nous appelez ce matin, 0800-234-56. On parle de ça avec vous, pourquoi ? On vous appelle en fait aujourd'hui, on vous rappellera lundi à la même heure, et du coup on fera le point sur ce qui s'est passé ce week-end, tu vois, comment ça s'est commencé à évoluer, est-ce que c'est bien passé, pas bien passé ouais. Mariage, il a dit oui, l'accouchement c'est quoi ? C'est un bébé ? Il fait un garçon. Un bébé ? Un animal ? C'est quoi ? Poisson rouge ? On sait pas. On sait jamais. 0800-234, pardon. Ouais, j'étouffe. Deux secondes, arrêtez. Voilà. 0800-234-56 pour nous appeler. Il y a Hugo qui est avec nous ce matin. Bonjour Hugo. Salut les mecs. Salut. Hugo qui nous appelle ce matin parce qu'il va se passer quelque chose ce week-end qui va changer ta vie entre aujourd'hui et lundi. Explique-nous tout. Bah en fait samedi je vais aller au cinéma avec une copine puis au resto. Enfin en fait c'est une fille que je connais depuis 10 ans. Ouais. On s'est connus dans les mouvements de jeunesse, on est toute une bande de potes, etc. Et une fois de temps en temps, je vais au cinéma juste avec elle, parce qu'elle aime bien ça. Et enfin voilà. Et puis quelques temps, moi, je me suis rendu compte que j'avais envie d'un peu plus que juste une amitié avec elle. Et enfin voilà quoi, que j'étais peut-être bien amoureux et tout. Et donc samedi, je pris mon courage à deux mains, je décidais que j'allais tout lui avouer. Ouh. Oh là là là là. Ah, effectivement, ça peut changer ta vie. Ah oui, donc ouais. Et bon, bah, j'espère qu'elle va dire, enfin qu'elle va dire oui, quoi. Je vais pas me prendre un râteau. Mais attends, moi j'ai une question. Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose entre vous? Parce que ça fait 10 ans que vous connaissez. Ouais, 10 ans d'amitié, c'est chaud quand même. Bah non, c'est à part des regards que j'interprète ou quoi. Mais non, mais c'est jamais rien vraiment passé entre nous. Donc c'est meilleur pote, quoi. Enfin, vous êtes. Ouais, c'est chaud. Oh. Eh, ça, il y a le risque, je te le dis, de la friendzone. Hein. C'est vraiment... Et on en connaît un rayon. Là, Hugo, entre nous, tu prends un risque, mais c'est bien. Et j'espère vraiment que lundi, tu nous annonceras une bonne nouvelle. Bah, j'espère qu'elle n'écoute pas la radio. Oui. Oui. Sinon, elle n'arrivera pas samedi soir, peut-être. Hein. Non, non, ça c'est sûr, elle n'écoute pas la radio ce matin parce qu'elle est infirmière de nuit. Et là, elle termine son service de nuit, donc je suis sûr qu'elle elle nous écoute pas maintenant. Peut-être sur la route. Mais pour rentrer. Mais je mets la pression. Ouais, parlez pas de malheur. Moi, eh ben, tu sais ce qu'on fait, Hugo. On te rappelle lundi à 8h20, la même heure, et on fait le point sur ce week-end. C'est chaud. Ah ouais, en espérant. Je suis stressé pour Hugo. Ouais, ouais. Comment elle s'appelle? Ouais, non, on va pas dire parce que si elle s'en connaît. Après, imagine, il y a une de ses copines qui dit. J'ai entendu Hugo qui a dit qu'il avait des sentiments pour toi. Bim. Non, c'est foutu. Non. Et tu, bah, lundi, tu nous diras si du coup vous êtes chopé ou pas, quoi. Moi, j'espère. J'y crois. J'espère. Moi, vraiment, ce serait une super belle histoire en tout cas. 10 ans d'amitié qui se transforme en amour, ce serait une très belle histoire. D'ailleurs, pour noyer le poisson, on va t'appeler Jean dorénavant. Ce qui sert à rien. Eh ben, Hugo, on est de tout cœur avec toi. Pardon. Ok, super. Mais non, c'est pas grave. Merci. Ben, j'espère que ça va bien se passer, que j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer lundi, alors. Eh ben, bah, écoute, on espère aussi de tout cœur, vraiment, on avec toi. Lundi 8h20, on te rappelle, Hugo. On te souhaite un excellent week-end et du coup, bah, une belle soirée samedi. En espérant que tout se passe bien, on croise les doigts. Merci les kifous. À bientôt, Hugo. Bisous, mon pote. Bisous. Lundi 8h20, on te rappelle, on prend des news. Je suis quand même un peu sceptique. Enfin, je croise les doigts. Non, moi, j'y crois. Vas-y, Calvin Harris sur Energy. Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I said I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight, I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight, you acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you. Calling. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. J'adore. Très très bon ça, le nouveau Calvin Harris avec Sam Smith à l'instant sur Énergie. Dans un instant, c'est le débrief de PE qui va arriver. 8h35, soyez là, il y aura Jane juste avant avec Alright, notre marraine de l'émission. Ouais. On va écouter ça. On vous rappelle aussi le Battleville. Allez voter pour vos villes maintenant, les fifous du 6-9 sur Énergie. C'est le groupe Facebook pour nous retrouver. On va faire le point à 9h et la ville gagnante, eh ben, on ira passer une après-midi là-bas. On fera les fifous avec vous pendant toute une journée. Voilà. Et là pour l'instant, c'est toujours Liège qui est en tête. Ouais, à 8 personnes de différence, les gars. Donc, ah oui, c'est chaud. C'est, hein. C'est un petit poil, un petit cheveu. Donc allez faire la différence, les fifous du 6-9 sur Énergie maintenant. Dans un instant, Jane PE qui arrive. Et n'oubliez pas aussi la semaine prochaine du beau cadeau avec Orange et Énergie. On vous offre le nouveau, tout nouveau. C'est l'iPhone XR. Il sort vendredi prochain, vous l'aurez avant tout le monde, puisque Orange viendra dans le studio pour l'émission publique pour vous offrir l'iPhone. Excellent. Vendredi. Donc vendredi prochain, vous repartez avec l'iPhone chez vous. Le tout nouvel iPhone XR à choper la semaine prochaine, soyez à l'écoute. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh, oh. I music, I flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki. Naki, pude explotar como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki. No le baje, el booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Until the sun come up, porque I am the party. It's a fiesta, blow out your candles, have a siesta. They can try, pero no one can stop me. What my taki taki wants, yeah, my taki taki gives. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I music, I flows. Taki taki, taki taki. Goûtez notre nouvelle lasagne, élue par vous la meilleure de Belgique. Quoi de mieux que comme et à casa, à part... La nouvelle lasagne bolognaise à casa. 8h31 sur Énergie, le débrief de PE à suivre dans un instant. À 8h35, il y a Jane aussi qui arrive. Avant ça, un point sur la météo pour aujourd'hui. Le temps sera généralement sec aujourd'hui. On aura quelques nuages ce matin, cet après-midi. Retour des éclaircies. Côté température, entre 15 degrés en Ardennes et 18 degrés partout ailleurs. Vendredi 19 octobre, voici un point sur l'actu et c'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. La police a mené son 10e marathon de la vitesse cette semaine. De mercredi à jeudi, les contrôles ont été renforcés sur nos routes. Moins de 3% des conducteurs ont été contrôlés en excès de vitesse. Ça représente 27 877 personnes. Un chiffre en diminution. Lors du marathon d'avril dernier, plus de 33 000 personnes roulaient trop vite. C'est jour de grève dans la fonction publique en Wallonie aujourd'hui. Une grève pour protester contre la lenteur de la mise en œuvre d'accords négociés ces derniers mois. Des piquets de grève ont été installés ce matin, notamment devant les services publics, le Forum ou encore le centre Perex et les centres IFAPME. Une réunion doit normalement avoir lieu entre les syndicats et le gouvernement wallon le 25 octobre. Les transports en commun ne devraient pas être touchés. La réforme du permis de conduire est compromise. Le ministre fédéral de la Mobilité, François Bello, l'a préparé depuis 2 ans. Eh bien, la Flandre l'a recalé. Le gouvernement de la région flamande estime qu'il y a de nombreux dépassements de compétences. Il estime aussi qu'il ne faut pas supprimer complètement le code de la route actuel. En toute logique, le texte devait être publié au Moniteur belge à la fin de l'année pour entrer en vigueur au 1er janvier 2021. La Wallonie et Bruxelles n'ont pas encore donné leur avis. Les indépendants ont du mal à décrocher. Ils sont 2 sur 3 à continuer à travailler quand ils sont malades. Seule la grippe semble vraiment les arrêter. En général, les indépendants poursuivent leurs activités pour ne pas perdre d'argent. Autre raison pour respecter les délais convenus avec leurs clients. On termine avec du sport et du football. On débute ce soir à la 11e journée de championnat. Le FC Bruges affronte Westland Beveren. Le match débute à 20h30. À l'époque, il n'y avait pas le 6-9 sur énergie. Alors, sois content. Le 6-9, 6h-9h sur Énergie. Eh oui, mamie, à l'époque c'était Bourville. Hein. Il est 8h34, bonjour. C'est le week-end qui démarre avec Énergie, évidemment, c'est vendredi. On finit la semaine comme il se doit avec le 6-9, les fifous du matin qui sont là. Tiffany est au standard. Oui, bonjour. Il y a Aurélie de la Rédac. Bonjour. Il y a Jérém. Welcome. Il y a Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Et dans un instant, il y a PE qui arrive. Bonjour mon PE. Hello. Hello. C'est dans un instant, c'est le débrief de PE. Ah, je suis content. En plus, on va le voir ce soir en spectacle, ouais. PE à Liège. On va le voir à la salle des Chirous. Ah, la salle des Chirous, vous rire de Liège ce soir au centre culturel. Ah, ça va être terrible. PE qui arrive dans un instant. D'ailleurs, pas mal de dates de spectacle encore, hein, les fifous, si vous voulez aller le voir sur scène. Ce soir, on l'a dit à Liège. Le 3 novembre, Jean Blou au centre culturel et le 8 novembre à Lille au Spotlight. Spotlight. Ya bra bra. Le débrief de PE, ça arrive sur Énergie. C'est juste après Jane qu'on écoute maintenant, c'est notre marraine de l'émission. Voici Alright sur Énergie. I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be Énergie Z dans un instant. C'est la suite de votre préféré sur Énergie. Et là, c'est vendredi, 8h37. Et c'est comme ça tous les vendredis. C'est le débrief de PE, s'il vous plaît. Un max de bruit pour PE. PE. bonjour, salut, hello, jumbo, mbote, hi, allo, salam, shalom, hola. Comment allez-vous les fifous? Très bien. Super. Super, moi aussi, allez, jingle. PE est sur énergie. Chaque vendredi dans le 6-9. Mais oui, tout à fait. Avant de commencer, un petit mot, tout petit mot sur les élections du week-end dernier. Bon, bah, comme d'habitude, moi, je savais pas pour qui voter, donc j'ai appelé ma mère, j'ai dit « Maman, tu votes pour qui ?» Et j'ai fait comme elle. Du coup, maintenant, j'espère que Pamela Anderson va gagner Danse avec les Stars. Pour ce qui est des résultats du week-end dernier, que faut-il retenir? Bah, que la Belgique a gagné 2-1 face à la Suisse. Bim! Mais sinon, ce qu'il faut retenir des élections, alors premièrement, que le PS perd du terrain sur l'ensemble de la Wallonie, mais reste dominant. Coïncidence humoristique, dimanche un article annonçait qu'en Belgique le nombre de personnes atteintes d'Alzheimer est en augmentation. Ça ne s'invente pas. Ensuite que Écolo progresse sur l'ensemble de la Belgique, et ça moi je dis bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Par contre, j'ai pas envie de tomber dans le cliché facile, mais là ça fait déjà une semaine qu'Écolo a gagné. Et pourtant, le cannabis n'est toujours pas légalisé. On se réveille les gars. On se... Oh, debout. Debout. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. Mais... Oui. Allez Écolo, un effort. Merci. Mais ce que je retiens principalement de cette élection, c'est que à Gand, la liste Pokémon a obtenu 1,70%. Autrement dit, le résultat de Pikachu est plus impressionnant que celui du Parti Populaire sur l'ensemble de la région Wallonne, et ça c'est beau. Vraiment, d'ailleurs je ne sais pas qui a créé le Parti Populaire, mais manifestement il ne connaît pas la définition du mot « populaire ». En parlant de manque de popularité, lundi, ça c'était merveilleux, on apprenait que François Hollande, le président le plus impopulaire de la 5e République française, pourrait faire son comeback et se présenter à la présidentielle de 2022. Oh non ! Ça va être génial ! Ça va être formidable. Ne vivant pas en France et étant humoriste, je dis oui. Je dis oui. Ah oui. François Hollande est à l'humour ce que Jésus est à la Bible. Du pain béni. Vraiment, dans 2000 ans, des gens remettront en cause l'existence de François Hollande. Ils diront, oh, c'est pas possible, hein, ce type a pas vraiment existé, c'est un gag. Je vous rappelle quand même que le plus beau parcours de François Hollande, ça reste son trajet en scooter. Mais ce qui m'amuse vraiment le plus en France, c'est que Sarkozy a fait regretter Chirac. Hollande a fait regretter Sarkozy. Macron est en train de faire regretter Hollande. Je n'ose même pas imaginer la gueule de celui ou celle qui fera regretter Macron. N'empêche, Hollande qui envisage de se représenter, c'est comme si ton ex venait frapper à ta porte en disant « Voilà, ben je pense qu'on pourrait retenter quelque chose. » Ah non. Non, non seulement la page a été tournée, mais on a même changé de livre. Franchement, pour ressortir avec ton ex, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est une évidence, ce qui ne doit pas être le cas de François Hollande, soit c'est de la pitié, elle est devenue tellement seule que même son chat a son propre compte Instagram. Alors mardi au Pérou, un homme a demandé le divorce après avoir découvert qu'il était cocu. Jusque-là, vous me direz, oui, c'est pas ouf, hein, ça arrive. Mais la particularité, c'est qu'il a découvert qu'il était cocu en allant sur Google Street View. Je me suis dit... Non. Oh, je te jure. Je me suis dit, soit le mec a vraiment pas de bol, soit c'est le plus grand détective psychopathe de la Terre. À quel point il faut être possessif pour suivre sa femme sur Google Street View? Ce ne sont même pas des images diffusées en temps réel. Tu vois, si tu en es au stade de suivre ta femme sur Google Street View, sur une échelle de 1 à d'épaisseur de Mons, t'es dans le centre-ville en train de chercher une place pour te garer. Mercredi, direction la France où les Belges sont devenus... pour la deuxième fois, champion du monde de dégustation de vin à l'aveugle. Boum ! Nous aussi, on a nos deux étoiles. Ça, mais c'est oui beau. Exactement. Cette victoire est tellement classe, on a battu la France sur son territoire, dans son domaine. Hashtag yabadabadou. La France qui finit troisième, donc si des Français nous écoutent, vous verrez les gars, troisième, c'est sympa. On a l'habitude. Non, mais on connaît un peu le domaine, c'est sympa. Et jeudi, je sors de chez moi, et je vois un blanc coiffé avec des dreads, j'avais envie de dire non. Non, les blancs doivent arrêter avec les dreads. Pour moi, un blanc avec des dreads comme un Congolais qui arrive à l'heure à un rendez-vous, c'est pas crédible. Non, attention, je sais de quoi je parle. Mon ex est congolaise. Enfin, je crois parce qu'elle n'est jamais arrivée. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Mais oui, oui, oui, oui pour PA, s'il vous plaît. PA. avant en spectacle, évidemment, le spectacle optimiste, c'est le spectacle de PE. À voir le 19 octobre, c'est ce soir. On y va, nous, d'ailleurs, avec l'équipe. On va voir au centre culturel les Chiroux vous rire de Liège. Voilà, si vous êtes à Liège ce soir, vous voulez venir vous faire une bonne partie de fou rire. Il reste des places? Très peu. Et ben, faites vite ce soir, donc, au fou rire de Liège. Le 3 novembre, ça sera à Jean Blou au centre culturel et le 8 novembre au Spotlight de Lille. Yeah. Il y a d'autres dates aussi qui s'ajoutent. On peut suivre Instagram aussi, Facebook, PE, tout simplement. Vous tapez. Oui, tout ça, suivez-moi. Pas trop près, mais. PE qui revient la semaine prochaine dès 8h35, vendredi prochain. Et pouvez évidemment partager cette séquence. Oui, elle sera là très vite. Juste après l'émission. C'est Frisco qui l'a fait, c'est pour ça qu'il dit. C'est pour ça très vite. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour en retrouver. Voici Z. Somewhere in the crowd, in a foreign place, are you happy now? There's nothing left to say, so I shut my mouth. So won't you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run, leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts, strung over your shoulder till it's all in vain. And only you know the strength in your teeth, washing the weight of your pockets so deep. Lonely, you're a world away, somewhere in the crowd, in a foreign place. Are you happy now? There's nothing left. Amir qui va arriver dans un instant. Je voudrais que ça dure 100 ans. Ça me fait penser qu'il faut que j'aille au dentiste d'ailleurs. On va l'écouter dans quelques chez minutes. Chez le dentiste. Chez le dentiste, évidemment, puisqu'on va au. Et on va chez le dentiste. On va chez le coiffeur et on va au bazar. Aux toilettes. Aux toilettes, exactement. Amir, c'est dans quelques minutes sur Énergie. Et restez là, nouveau jeu. Ah bah non, on l'a déjà fait celui-là. Mais on l'a fait qu'une fois. Dis Google. Ah oui, j'aime bien ça. Il est très chouette. C'est drôle. On tape le début d'une phrase sur Google et à lui de nous dire la suite, en fait. Tout simplement, vous devez trouver ça. C'est dans un instant sur Énergie. Téléchargez maintenant l'appli Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie pour le sport, Énergie Nouveauté, Énergie Relax et beaucoup d'autres comme Énergie Hit 90. Je suis glace de trêve qui pique ton cœur. Caro, glace de trêve qui pique ton cœur. I'm a scared man. Revisitez les années 90 et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Hit 90 sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. Et c'est parti. Trop de choses à faire et un trafic d'enfer. Allez, ma petite dame, il y a des gens qui bossent, là. Oui, ça va. Coup de fil à donner, client énervé. Oui, pardon, merci, au revoir. Encore ce repassage et puis la fête du voisinage. Et mon déguisement pour l'école? Quoi? Quel déguisement? Nous apprenons tous les animaux et moi, je suis l'éléphant. Oh, incroyable, mon Libeka. Une fois au lit, j'oublie tous mes soucis. Mon Libeka, le plus bel endroit au monde. Dans votre matelas Beka, Geltex fait la différence. Découvrez tout sur la nouvelle technologie avancée de Geltex dans votre point de vente Beka ou sur beka.be.

J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Quel lover ce Amir quand même. C'est le Ed Sheeran français quoi. Enfin, ouais. Non, c'est perfect français en fait. Perfect français. dans un petit instant sur Énergie, c'est le beau gosse, c'est Tanguy qui débarque avec vous. Buongiorno. Buongiorno. Ouais, le buongiorno le plus nul de la terre. Surtout qu'il a rien d'italien, rien de rital. C'est pas du tout gentil quoi. J'arrive et je vous fais, je sais pas, un bonjour dans une langue étrangère. Mais c'est pas mal. Félicitations. Merci à toi. Tanguy qui arrive pour votre playlist personnalisée. Hello. Hello. Rio Morgan. c'est dans un instant la playlist partagée. Vous pouvez aller la faire la vote d'ailleurs, énergie.be. On vous la diffuse tous les jours entre 9h et 10h et le soir entre 20 et 21h. Voilà, énergie.be pour faire votre playlist. On va se quitter dans un petit instant. Eh ben oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Évidemment. Avant ça, on va se faire un dit Google. J'adore ce jeu, il est génial. C'est en fait, on tape le début d'une phrase sur Google et automatiquement Google nous met des propositions, quoi, tout simplement. Propose des propositions. Et c'est bon, c'est très belle phrase. Et du coup, à vous de trouver quelle est la bonne proposition que Google nous a donnée. Et on a aujourd'hui Chami qui vient jouer. Oui, c'est Chami qui travaille comme chef dans son propre resto. Attention, elle est mariée, elle a 3 garçons, Sacha, Ruben et Samuel. Elle aime la natation et avec ses enfants, elle touche un peu à tout, la batterie, la peinture, tout ça quoi. Ah bien, bien. Oui Chami. Bonjour Chami. Bonjour l'équipe. Bonjour. C'est Samy avec un cheveu sur la langue. C'est ça. Non mais que t'es vilain. Oh non mais je rigole. Bah alors non, Frisco, tu peux lui demander de la cagnotte si tu veux. T'as de la chance, elle ne veut pas. Elle est gentille avec toi. Non, mais je suis désolé, Chami, c'était une petite blague. Non, mais je t'aime bien. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je t'aime beaucoup. Il y a trop d'amour dans cette émission. Ouais. Chami, sois la bienvenue ce matin dans le 6-9. On va jouer avec toi à dit Google. T'as compris le concept, Tiffany te l'avait expliqué. Je suis prête. C'est parti, on y va avec les propositions. Et à toi de nous dire donc ce que Google a proposé comme phrase, tout simplement. On démarre avec la première phrase, c'est « Mon copain est... » 3 petits points. Donc, mon copain est sur Tinder, mon copain est excité ou mon copain est trop moche. Trop moche. La proposition. Mon copain est sur Tinder. Mon copain est sur Tinder, c'est la première proposition. Et ben, pas mal. Bonne réponse, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a trop de gens qui recherchent l'âme sœur, c'est sûr. Qui cherchent quoi? L'âme sœur. C'est ça que t'as dit, hein? Ouais, c'est peut-être. Je cherche la mouise, ouais. Mon copain est sur Tinder. Oui, c'est une bonne réponse. C'est bien ça. Mon copain est sur Tinder. Quand je suis content, je. 3 petits points. Donc, quand je suis content, je vomis. Quand je suis content, je fais la gueule. Quand je suis content, je bois un coup. Quand je suis content, je bois un coup. Eh bien, malheureusement. Non, c'est pas ça. Non, c'est quand je suis content, je vomis. Ah oui, c'est le film. Ouais. C'est de la peur. C'est qui? C'est Alain Chabat ou c'est... Non, c'est Gérard Darmon. Farrugia. Ouais. C'est Farrugia, Dominique Farrugia qui, ouais. Que je suis content, je vomis. Ah ouais, d'accord. Ouais, je vois très bien. Et là, je suis super content. Arrêt au port de Nice, 2 minutes d'arrêt. Ce film est génial. On y va, 3e proposition. J'ai toujours rêvé d'être un gangster. J'ai toujours rêvé d'être le sosie de Kenji Girac ou j'ai toujours rêvé d'être un artiste. Toujours rêvé d'être. La dernière proposition. J'ai toujours rêvé d'être un artiste. J'ai toujours rêvé d'être un artiste. Ah non ! Eh bien non, quand tu tapes j'ai toujours rêvé d'être sur Google, c'est pas ça. C'est j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Oh là là. Ah, c'est le syndrome Casa de Papel. Allez, c'est pas grave. Dis Google, on continue. Donc c'est oui, on tape le début d'une phrase, à vous de trouver la suite, hein, tout simplement. Alors celle-là, elle va être très chouette. Et facile, je pense. Chami, c'est pour toi. Frisco écoute. Est un plat sain. Quoi ? Frisco est une crème glacée ou Frisco est un animateur sur énergie. À ton avis, quand on a tapé ça dans Google, Frisco est, qu'est-ce qu'il nous a donné ? Non, la dernière proposition, quand même, ils savent, non, ce qu'il est. Personne ne sait qui je suis. Répète encore. Frisco est un plat sain, Frisco est une crème glacée ou Frisco est un animateur sur énergie. J'ai pas entendu la proposition, tu veux pas répéter, s'il te plaît ? Bref, Frisco est une crème glacée, bonne réponse. Oh là là, incroyable, t'es trop forte, Chami. Eh, hey, tu vas pas m'engueuler, je te donne une bonne réponse. C'est ça, quoi. Merci. Chami, on finit avec ça. Je te déteste quand ? Quand on vient s'asseoir à côté de moi dans le bus alors qu'il est vide. Je déteste, c'est pas je te déteste, pardon, c'est je déteste quand on vient s'asseoir à côté de moi dans le bus alors qu'il est vide. Je déteste quand Voldemort utilise mon shampoing. Ou je déteste quand je perds. À ton avis, Chami, sur Google. La dernière proposition, je déteste quand je perds. Ouais, j'ai la haine. Eh ben tu vas l'avoir parce que c'est pas la bonne réponse. C'est incroyable. Allez taper sur Google, je déteste quand. La réponse est magnifique. Et c'est je déteste quand Voldemort utilise mon shampoing. Mais non. Je vous promets. Mais je viens de le faire. Fais-le. Je vérifie. Faites-le. Faites-le, vous verrez. C'est la proposition qui arrive en premier. C'est génial. La deuxième, c'est je déteste quand Voldemort utilise mon gel. Apparemment, il y a Voldemort qui utilise tous ces trucs. Et la troisième, c'est je déteste quand la chanson se trompe. Quand la chanson se trompe. Ouais, très français en plus. Oui, c'est vrai, très très. Bon, allez, Chami, c'est pas grave, t'as fait le plus dur du travail et j'ai envie de dire que c'est gagné, Chami. Bravo. Ouais, cadeau pour toi, Chami, ce matin. Chami, tu choisis quoi ? Il y a les enceintes Bluetooth, il y a les waterproof, il y a les 4 places de ciné où il y a la compil énergie. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Non, la place de ciné, ça fait longtemps. Place de ciné, eh ben on t'offre ça, Chami. Bisous à toi, ma Chami, à bientôt. Bisous. À bientôt, Chami, bisous. Queen Bendit qu'on écoute maintenant, Tanguy qui arrive dans un petit instant et on vous dit au revoir aussi dans quelques minutes. Hein. Ouais. Bah, il dit oh. Bah, évidemment. Et en cinquième proposition, je déteste quand mes parents font l'amour. Battleville, les résultats dans un instant. Allez voter, il vous reste quelques secondes. Les fifous du 6-9 sur Énergie, sur Facebook. Never meant to leave you hurting. I never meant to do the worst thing, not to you. 'Cause every time I read your message, I wish it wasn't one of your exes. No, I'm the fool. Since you've been gone, been dancing on my own. This boy's up in my zone, but they can't turn me on. 'Cause baby, you're the only one I'm coming for. I can't take no more, no more. No more. I wanna fool, but I'm broken hearted. Quack, quack, quack. But I like to party. Touch, touch, touch. But I got nobody here on my own. I wanna fool, but I'm broken hearted. Quack, quack, quack. Since the day we parted. Touch, touch, touch. But I got nobody, so I do it solo. I do it solo. solo. Instant Tanguy qui arrive sur Énergie. On va vous laisser ici les fifous. On sera de retour lundi, évidemment, en pleine forme, avant de se quitter. Je vous rappelle qu'on a lancé hier un Battleville. Il suffisait d'aller voter sur, sur notre page Facebook, ouais. Les fifous du 6-9 sur Énergie. Et attention, les copains, ça suffit maintenant. La plaisanterie est terminée. Il est temps de savoir dans quelle ville on va aller passer une journée. Une petite journée avec vous, avec les fifous. On va se marrer, on va faire des activités. Vous avez voté depuis hier, encore ce matin, vous avez laissé toute l'émission parce qu'on devait faire ça à 6h et puis on s'est dit non, on va vous laisser encore un petit peu de temps. La ville dans laquelle nous allons nous rendre pendant une journée est... La ville de... Lyon. Liégeoises et fifous de Liège, on va venir passer une journée chez vous avant les fêtes de fin d'année. À 5 votes d'écart. À 5 votes. 5 votes d'écart entre Charleroi, je suppose. Ouais. C'était la grande bataille, hein. Charleroi-Liège. Le classico, Liège-Charleroi. Namur est 3e, Luxembourg 4e, Arlon 5e, et puis Bruxelles. Et puis les autres. Mons, Vielsalm a eu pas mal de votes. Tournai aussi. Bastogne, oui. Soigny. Et Wemel, on est deux. Overace, une personne, très bien. Et ben voilà. Et ben gros bisous à vous les fifous. Évidemment, on remettra ça puisqu'on fera la tournée. Et j'ai même envie de vous dire, on pourra pourquoi pas faire la tournée du top 5 ou du top 10 de ça. Voilà. En tout cas, on commence avec la première date, ça c'est une certitude. Ça sera Liège. Liège. On viendra chez vous les fifous. On viendra passer une journée. Et crois-moi, on va mettre Dawa à Liège. On vient ce soir déjà. Et c'est bon. Ouais, mais en soi, c'est vrai, on fait ça ce soir, comme ça c'est fait. Ça, on... c'est fait. Non, prendra le temps. Oui, évidemment. On fera ça un mercredi après ou un samedi après, comme ça, on a le temps. Pour se rencontrer, etc. Pour pouvoir discuter et tout, quoi. Avoir le temps de faire tout ça. On vous souhaite un excellent week-end, la fifouterie. On revient lundi dès 6h, évidemment, avec de nouvelles histoires, de nouvelles aventures avec nous. Un excellent week-end. N'oubliez pas l'iPhone XR à choper la semaine prochaine avec Orange et Énergie. On vous offre ça. Vous l'aurez avant tout le monde. C'est copains. Magnifique. Bon week-end. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci sur Énergie. Hakuna Matata. Bon week-end Tiffany. Bon week-end tout le monde. Bon week-end Aurélie de la Redac. Bon week-end. Bon week-end mon Jérém. Merveilleux week-end. Bisous mon Frisco. Bisous mon poulet. Bisous mon Marco. On vous souhaite un excellent week-end les fifous. Profitez bien du vendredi, c'est la fin de semaine. Tanguy qui est à fond sur le djembé. Et on revient lundi dès 6h sur Énergie. Hakuna Matata. Eh oui, c'est ça la vie les gars. C'est ça le 6-9, c'est la bonne humeur. Et c'est Hakuna Matata. Le 6-9 revient. Lundi, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. C'est le 6-9 qui vient te réveiller. Appelez votre fille en vitesse entre deux réunions. Ça vous prendra bien 5 minutes. Oui, ma chérie, c'est moi. T'es bien rentrée? Comment ça, tu n'es pas à la maison? Savoir si vous pouvez payer votre assurance auto moins cher ne vous prendra dès maintenant que 5 minutes. Faites le test sur touringassurance.be. L'assurance auto est un produit de Touring Assurance SA. Limites et conditions sur touringassurance.be. Énergie. Pour être en bonne santé, mangez 5 fruits et légumes et écoutez chaque matin votre playlist partagée. C'est super important, tous les médecins vous le diront. Ah là là, ça tombe bien, puisqu'on écoute une playlist partagée. La playlist partagée de Zoé de Bruxelles qui a laissé un message plein de chansons que j'écoute avec mes sœurs pour nous motiver le matin. Elle a choisi Zoé Mpokora qu'on va écouter, Beyoncé, Lucas Graham ou encore, et on démarre par ça, j'adore. Voici The Cardigans à mettre à fond. Excellent début de journée. Yeah. préférés, vous les choisissez. Faites votre playlist sur energie.be. Toi et moi, on voudrait bien voir. Ah, ah.